Flex up. Money, yeah, man. Money up. Money up. We make. Push it. Money, man, I look up. Money, man, I look up. Money, book it. Money up. Money up. Money up. Money up. We make. Push it. Money, man, I look. Man, I look. Money, man, I look up. Songs up. Songs like these, like people they mix. And also to my flow, them up. Me pattern, I'm style, just to get them autographs, sign them, come on. Make it. Money we look, we have the anti testimony. We not type the money, skill balance, I eat a bloody weight. You hungry? No, sir. Who the fiend up here? Not a fee up, not a nothing, I got you up. Yeah, man. Money up, money up, money up, we make. Push it. Money man, I look some. Money man, I look some. Money book it. It's about that time. What time is it? On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est Hugo, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir tout le monde. Hello. On dirait que la situation s'améliore. Hein. Faisons la météo de Génération 9-7. Ce soir, jeudi 29 septembre, après le passage de la tempête, nous avons récupéré 75% des effectifs. Ah bon ? 75% seulement. Sabri est là ce soir. Hello, salut Nessie. Tout le monde. Salut, salut. Hugo, toujours fidèle au poste. Yo, de toute façon, il dort là, il vit là. Ouais. Et j'espère qu'il fait pas trop de choses non plus. Je fais tout ici, t'inquiète pas. C'est pour ça que la console est un petit peu poisseuse des fois. Ah, ça arrive. On a Tijou également derrière les platines. Il nous manque toujours Keshi et Lilou. Où sont-ils? Bonne question. Ils sont ensemble? Tu sais, les collègues bien avisés qui font courir des rumeurs, des sales rumeurs, tant qu'à faire. On démarre une nouvelle radio libre. Ce soir, 3 heures consacrées au délire, au sourire, mais aussi au sérieux. Si vous avez envie de déclencher un truc qui vous tient à cœur, un truc personnel ou un débat d'actualité, pas de problème. La radio est libre. Bah, il vous reste, vous, juste à vous le prouver. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Au programme également de la soirée. Il y aura des cocoteurs tout à l'heure. Comme tous les soirs, on appelle les malpropres du web. Je me fais passer pour une meuf et je les chauffe à l'antenne. Ce sera tout à l'heure, ça. On revient également avec UA Baby. Allo, Savory. Yes, yes, yes. On a déjà des victimes dans le collimateur. Yes. Et puis, des breaking news aussi. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des bus en Guyane, de la tempête Matthew, des dégâts qu'elle a pu faire. Et puis, on va parler d'un jeune Anglais qui a fait quelque chose de très particulier. Et puis, évidemment, depuis l'événement tragique, tous les soirs, une minute consacrée à l'actualité autour de Johan. Parce que mine de rien, effectivement, cet événement en a enclenché plein d'autres, beaucoup de mobilisation. Il y a notamment un défi autour du remix du titre de Dali, un défi qui est lancé à toute la population. Certains l'ont déjà relevé. On fera le point tout à l'heure. On aura également des invités ce soir. Dans une heure débarque Johan et Dasha, les deux amoureux de la musique. Faut qu'on reste calme. C'est lequel qui t'excite vraiment? C'est Johan? C'est lui qui a les plus longs cheveux. Johan et Dasha débarquent tout à l'heure. Dans 60 minutes, ils seront avec nous dans le Trace Studio. 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Sur les réseaux sociaux également. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans Génération 97. Niveau cadeau, on va également vous blinder ce soir avec entre autres des places pour La Pièce. La Pièce n'est pas une pièce de théâtre comme son nom ne l'indique pas. Non, c'est le premier film en fait du Watibé et nous on vous invite à une séance privée. Ce sera le 12 octobre avec les forfaits sapés by SFR. Pour ça, il faut guetter le signal. En fait, dès que vous l'entendez, vous nous appelez 0820 203 200. Une séance ultra privée en avant-première. Le 12 octobre prochain, au Rex, à Madiana et à Agora. Des invitations se gagnent en double, mais tu peux carrément aussi avoir la chance de tomber sur plusieurs invitations qui te permettent de monter ton groupe. On te met à l'aise avec les popcorn. Bref, on passe un moment ensemble pour découvrir entre autres le film dont la gagnante de Trace Music Star a signé une partie de la BO quand même. Hein. Estelle B, ouais. Estelle B, qu'on écoutera d'ailleurs. Le signal à guetter, dès que vous l'entendez retentir, 0820 203 200, ça ressemble à ça. Oui. Oui, ça. Ça. A une de pièce. Appelle-nous au 0820 203 200 pour l'avant-première événement de la pièce. Et puis le programmateur, il a bien fait les choses. Il a mis un petit bout de la BO, tu sais, du film juste derrière. Donc c'est soit Linda, soit Estelle B, soit d'autres titres également à découvrir sur cet album du premier film. Ce qui habille en tout cas le premier film du Watibé. Côté cadeau, on a encore quelques invitations pour Tarus Riley. Ouais, ce sera demain soir du côté de la ferme Périne. Ça, c'est pour les Martiniquais. Sinon, place de cinéma pour le film de votre choix. Yes, vous allez au cinéma voir le film de votre choix. 0820 203 200. On va se pousser un petit brocoli. Oui, c'est toujours bien, tu sais, en entrée le brocoli. On s'y connaît pas. On va se pousser un brocoli. Ouais, on va se pousser un petit brocoli. Ouais, c'est moche dit comme ça en fait. Maintenant que j'y pense, c'est moche. Chou-fleur. L'insertion. Non, là par contre, t'as pas le choix. Y a personne, y a aucun rappeur encore qui a rappé du brocoli. C'est sérieux, ça? Du chou-fleur. Par contre, y en a un qui a rappé du brocoli, ouais. Il s'appelle Big Baby. Et le chou s'appelle brocoli. Ouais, et ça s'appelle brocoli. Pas de problème, hein, tu sais. Brocoli. Ça fait combien de temps qu'on a repris la génération 97? Environ quoi? 3 semaines? 3 semaines, ouais. Mm-hmm. Ça fait 3 semaines qu'on le joue, Nessie. Bienvenue parmi nous. Bienvenue, hein. Tu me mets une carotte là, c'est ça? Aïe. On va parler de Kalash tout à l'heure. Et puis on parlera aussi, évidemment, on testera surtout vos aptitudes avec ce nouveau délire qui fait le tour de la planète. Le calcul challenge. Pour l'instant, nous avons un champion. Il a réussi 9 bonnes réponses sans faute. On reste dans les dizaines. Rassurez-vous, on ne sort pas des soustractions ni des additions. Pour l'instant, il n'y a pas encore dans le calcul challenge les multiplications. C'est assez simple vu de l'extérieur, mais il faut le faire dans le tempo. Tu t'inscris dans la Trace Radio. 0820 203 200. Allez, calcul challenge. On s'inscrit. En attendant, voici Big Baby. On revient juste après dans la Trace Radio. À tout de suite. Ain't no telling what I'm finna be on. Hey, hey, I'm beyond all that fuck shit. Hey, hey, little mama. mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3. $30,000 for a nigga to get free. I just hit Rodeo and I spent like 10 G's. I just did a show and spent the check on my mama. When I go and vacay, I might run out the Bahamas. And I keep like 10 phones, damn, I'm really never home. All these niggas clones tryna copy what I'm on. Nigga, get your own, tryna pick a nigga bone. Worked it, brother Skip, boy, I had a good day. Metro PCS, trapping, boy, making plays. 50 Shades of Grey, beat that pussy like Hulk Hogan. I know you know my slogan, if it ain't about guap, I'm gone. Niggas hating cause I'm chosen from the concrete I had rolled. Shorty staring at my necklace cause my diamonds really froze. Put that dick up in her pussy, bet she feel it in her toes. I'm a real young nigga from the 6th throwing balls. I'm a real young nigga from the 6th throwing balls. Real young nigga from the 6th throwing balls. Middle of the party, bitch, get off me. Goddamn. In the cut, I'm rolling up my broccoli. Goddamn. Yeah, I know your baby mama fond of me. Goddamn. All she wanna do is smoke that broccoli. Goddamn. Whispered in my ear, she tryna leave with me. Goddamn. Say that I can get that pussy easily. Goddamn. Say that I can hit that shit so greasily. Goddamn. I'm a dirty dog, I did it sleazily. No telling. Why I'm finna be on, hey, hey, I'm beyond all that fuck shit, hey, hey, no telling what I'm finna, hey, I'm beyond, hey, hey, said I'm beyond, hey, all that fuck shit. Companies and pesos, I got people on my payroll. She don't do it unless I say so. I don't smoke if it ain't fuego. I should sauce them up like Prego Fettuccine with Alfredo. All I wanted was the fame in every game they made on Sega. I was 5 or 6 years old when I had told myself, okay, you're special, but I treat you like my equal, never lessen. I was 26 years old when we had dropped this one amazing record. Had the world stepping, that's what I call epic. Couple summers later, I got paper. I acquired taste for salmon on a bagel with the capers on a square plate. At the restaurant with the why you got a stare face. To know I either ball or I record over the stand bass. Rapper face, dread-headed, golden diamond teeth wearing. They just mad cause I got that cheese, bitch, I keep dairy. Turned up in the party, getting lit the yachty. With a Spanish Barbie, word to my mommy. In the middle of the party, bitch, get off me, off me. In the cut, I'm rolling up my broccoli. My weed, my weed. Yeah, I know your baby mama fond of me. She fond of me. All she wanna do is smoke that broccoli. That weed, that weed. Whispered in my ear, she tryna leave with me. She wanna fuck. Say that I can get that pussy easily. I'm gonna fuck. Say that I can hit that shit so greasily. Oh yeah, oh yeah. I'm a dirty dog, I did it sleazily. Génération 97, le soir. Le soir. La première libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. Dans une heure, on reçoit Johan et Dasha. Ah, l'amour va nous tomber dessus. De partout. Ça va dégouliner le long de notre corps. Avec un super chanteur, une putain de voix quand même, hein, ce Johan. Mais également la petite perle du zouk, c'est-à-dire la mademoiselle Dasha. Ouais, ça c'est plutôt Kérou, hein, sur cet extrait-là. Voilà, c'est ça, c'est Dasha. Sensuel. Sensuel. Dasha est notre invité tout à l'heure dans le Trace Studio. Et Johan débarque dans 60 minutes, 0820 203 200. Si vous avez des questions à leur poser, on va passer un petit moment avec eux dans le Trace Studio. N'oubliez pas d'ailleurs demain que c'est la première génération 97 live de cette année. Qui on reçoit? On reçoit Cécile. Allez, demain. Mon Dieu, Cécile Chata Bendeng. Elle est super. super cool cette meuf. Pour ma part, j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises. Hein. Vraiment. Ah ouais? Vraiment. Ouais. C'est, je trouve vraiment que c'est une nana incroyablement simple, incroyablement humble. Ils ont fait la Caribzik. Ouais, on n'a pas fait que la Caribzik. J'ai fait le Summer Dance on Battle. On veut pas tout savoir. On veut pas tout savoir. J'ai fait la Summer de, le Summer Dance Battle avec elle en Guyane. J'ai fait une scène également. C'était en Guadeloupe, mais je me rappelle plus ce que c'était. Je l'ai croisée aussi en Martinique, au festival. Bref, Cécile, c'est vraiment une pointure et musicalement. Elle est irréprochable. Elle a une série de hits, tu vois, de tubes que tu connais tous. Tu sais, mais genre plus long que le bras, quoi. Bref, Cécile est notre invitée demain soir. C'est la première génération de cette live avec Orange. Comment on fait pour s'inscrire, pour venir dans le studio? Bah, on passe un petit coup de fil, 0820 203 200, ou alors sur Twitter, sur Facebook, hashtag G97Live Orange. Un live réservé à ceux qui écoutent la radio, mais ceux également qui sont avec nous dans le Tra Studio pour approcher l'artiste au plus près. 0820 203 200, c'est aussi simple que ça. Tu te rappelles de ça ou pas? Ça, c'était où, la Caribzik, non? Ouais, ça c'est un petit extrait de la Caribzik. J'ai mis la main dessus là. Bon, j'ai jamais connu les paroles. Hein. Elle est bonne en live, on dirait. Ouais, pas qu'en live, hein, mec. Je dis ça, je dis rien. Une très très jolie femme. Moi je trouve que, honnêtement, bon, c'est pas pour cracher, mais c'est peut-être la chanteuse de dancehall la plus jolie quand même de toute la Jamaïque quand même. Non, il y en a d'autres. D'accord, LA n'est pas trop moche. Ok, elle est assez mignonne. Il y en a d'autres, tu vois, quelques-unes. Mais quand tu regardes Maca Diamond, Spice, son argument, je pense pas que ça soit la beauté. Ok, c'est le charisme, c'est la malpropreté. Non, Spice, ouais, chante des trucs malpropres. Mais regarde-moi ce témoin de Jéhovah. Depuis quand on a des témoins de Jéhovah avec nous dans l'émission, Sabri? Tu les emmènes avec toi ou quoi? C'est pas moi, il va du tout seul. Regarde-moi ce témoin de Jéhovah là. Hashtag G97, hashtag TraceFM. On va faire un petit point sur les breaking news de la journée. On commence par quoi, Ness? Ben, on part en Guyane. Tous les bus, il faut savoir que tous les bus du réseau de la RCT vont être équipés d'un système de géolocalisation en temps réel et de caméras de surveillance. Et ces dispositions ont été prises à cause des nombreux actes d'incivilité des usagers. Parfois, ils étaient en état d'ébriété, rentraient dans le bus. Trop de bagarres, d'utilisation de bombes lacrymogènes ont été signalés. Donc, ils ont pris ces mesures-là. Ok. On a également des nouvelles de la Guadeloupe et notamment la Minute Johan. Alors, on commence d'abord effectivement par faire un petit point sur la tempête. C'est vrai que la tempête, son passage était d'hier soir jusqu'à un petit peu ce matin, machin, etc. Enfin bref, on a compris que la tempête était bel et bien antillaise. Elle n'a pas du tout concerné ni la Guyane, mais elle était bel et bien antillaise. Elle a pris son temps. On l'a annoncé d'abord à 5h du matin. Elle est arrivée tranquillement à 11h. Elle a pointé le bout de son nez. Mais en fait, elle a vraiment pété à 17h. Enfin bref, elle a pris son temps, mais il y a pas mal de dégâts. Et contrairement à ce qu'on pensait, on pensait que la Martinique serait la plus impactée. Alors oui, la Martinique a été la plus impactée, mais il y a eu des impacts également en Guadeloupe. Un peu partout en Guadeloupe, notamment sur la Basse-Terre. On dénombre des arbres tombés, des chaussées inondées, des routes coupées ou fermées à la circulation, notamment la route de la traversée. Donc c'est vrai que ça handicape beaucoup de gens parce que beaucoup de gens se servent de cette route. Les pompiers ont dû intervenir. Pour rejoindre la civilisation, oui. les pompiers ont dû intervenir à certains endroits. Ouais. Donc il y a également Bouillante qui a été très touchée. Alors il y a ces images aussi du mec qui traîne sur la place notamment de Capasterre. Le mec qui se ramasse une vague là. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que vous le connaissez? Donnez-nous des nouvelles parce que mine de rien, tu sais, parce qu'on a reçu entre temps pas mal de témoignages de gens qui ont fait un peu le tour de soit du département, ou qu'il soit d'ailleurs pour aller voir un petit peu d'un peu plus près la tempête, sauf qu'il y a parfois un risque. Et le mec la prend à ses dépens sur cette vidéo. Il se fait happer par une vague qui est un peu plus grosse que les autres. Et je sais pas, moi cette vidéo elle m'a fait beaucoup rire, sauf qu'on aimerait avoir des nouvelles du gars quoi. Des dégâts également du côté de la Martinique pour la tempête. Oui, hein. Et puis on parle surtout des 55 000 abonnés EDF qui sont encore privés d'électricité. Et des pompiers qui ont dû faire face à près de 80 appels dans la nuit. Ouais, assez costaud, beaucoup de pluie et surtout ben, au final. Les établissements qui seront encore fermés alors, jusqu'à lundi. Certains établissements, il faut préciser, oui, parce que c'est pas du tout une fermeture générale des établissements, oui, oui, scolaires. Il y en a qui se disent, ah tiens, un petit week-end prolongé. C'est certains reprennent le 3. Ouais, ce qui ne concerne pas du tout la Guadeloupe, tout fonctionnera normalement demain, mais en revanche, les établissements scolaires qui ont été un peu abîmés, on parle du lycée Bellevue, je crois. Oui, il y a le collège Rôle Saint-Just. Avant de passer au collège, sur le lycée Bellevue, il y a une polémique, parce qu'en fait, les établissements Bellevue et Technique seront fermés, alors que le lycée Schellcher, qui a été transféré sur les deux sites à cheval sur Bellevue et Technique, sera ouvert. En fait, grosso modo, les lycéens de Schellcher qui sont dans le même endroit, dans le même établissement en fait que Bellevue et que Technique, eux ont cours demain. Ils sont censés venir demain. Mais si au 4 bac là à la fin de l'année, faut pas poser de questions, hein. Je veux dire, à un moment ou à un autre, si mal, ou qu'à gérer la vie, alors là, qu'on veut, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il dit, bon ben, alors, c'est tranquille, ils ont pas levé le pied, il y a des dégâts, machin, nous pas avoir de travail demain, etc. Mais ça qui caille travail. Après, si autre payback là, posez-vous les bonnes questions, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. La minute, Johan. Bah, c'est Dali, en fait, qui a lancé un appel aux internautes pour qu'ils puissent justement faire un remix sur sang. Et qu'il se filme et qu'il mette des paroles en rapport avec ce qui s'est passé. La chanson à l'origine est de Dali. Entre-temps, elle a subi une première mutation en devenant un titre de 9 minutes avec des invités tous aussi plus ou moins prestigieux, de Kérosène en passant par Lilo, en passant par Buana, en passant par... Enfin bref, énormément en fait d'union et d'unification autour de cette chanson. Le remix dure 9 minutes et il fait un véritable buzz sur le web, sauf que au-delà de ça, pour montrer son soutien à cet élan, Dali vous a carrément lancé le défi, et nous aussi on va le faire dans la génération 9-7, le défi de s'enregistrer en Skype. C'est une idée de Tikam, hein. Sauf que Tikam, lui, il sait pas à quel point on sait peut-être pas écrire ou chanter. Ou les deux. Et les deux, en fait. Mais on va le faire aussi, ce 100 remix challenge qui a été lancé par Dali. Le but du jeu, c'est de montrer qu'on n'est pas indifférent. Le but du jeu, c'est de se motiver à écrire un petit couplet, une petite phrase, notamment pour l'intégrer éventuellement peut-être à une version finale, mais surtout aussi pour manifester sur le web le fait qu'on adhère au projet. Quoi d'autre dans les Breaking News? Oui, on parle de ce jeune anglais de 19 ans qui a dépensé plus de 22 000 euros afin de ressembler à son idole. Devinez, un autre anglais comme lui, David Beckham. Ah merde. Et il lui ressemble ou pas? Pas du tout. Il faudrait qu'il mette encore des millions. Un petit paquet d'argent. Ouais. Il y a juste la coupe, juste la coiffure. En fait, voilà. Donc en fait, il aurait pu payer juste le coiffeur. Et on sait combien ça lui a coûté ou pas? 22 000 euros. D'accord, ok. En parlant de transformation physique, il y en a dans le studio qui essayent de ressembler à PNL aussi, non? Non, je vois pas de qui tu parles. Mais eux, ils ont payé que le coiffeur. C'est bon, ils partent d'un bon capital dès le départ. Hashtag G97, hashtag TraceFM, on a Lilou qui nous rejoint. Bonsoir Lilou. Bonsoir. Hello. Ça va? Cool. Ça va. Un peu moins trempé aujourd'hui. Beaucoup moins. Ah, c'est dommage pour le sexe. La fin de l'émission arrive. Ah, j'espère, parce que franchement, honnêtement, nous on t'aime bien comme ça. Crampé. Un petit peu mouillé par la pluie. Par la pluie, c'est ça. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. Voici Taiga avec One of One. On revient juste après sur Trace Mada Gualayana. Il y a du Hey Baby Hello qui se prépare. Et on vous accueille également au standard. Hashtag G97, hashtag TraceFM également sur les réseaux sociaux. Bonsoir. Ce mercredi 12 octobre à 16h au Rex, TraceFM et le forfait Sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hey poto, elle est vraie ton histoire? La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charcon. Il dort mépris du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer? Le gros fou rire de la rentrée en avant-première TraceFM avec le forfait Sapé by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Que t'en as une de pièce. Les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820 203 200 et repars avec 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-première événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, au Rex, avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Plus d'infos trace.fm. Le samedi 1er octobre, Orange et Air Caraïbes présentent Tarus Riley. Tarus Riley live at la Casa. Après 6 ans d'absence, le boss du reggae revient à la Casa pour un concert live unique, accompagné du Black Soul Band et de la légende Dan Fraser. Tarus Riley live at la Casa. C'est le samedi 1er octobre 20h avec Europcar et Coca-Cola. After concert by La Casa Love Sound System. Billets en vente, allmall.com, Gen7 Master, Copacabana Mall, Sport Action d'Estreland. Tu

Mélina, tu repars avec tes 3 places pour aller voir le premier film du Watibé. Pas une, pas deux, mais 3. Tu fais ton petit trio avec qui t'aimes bien aller au cinéma. Rendez-vous à Agora le 12 octobre prochain. Ça se passe à 16h, évidemment, pour découvrir le premier film du Watibé. On te met ça de côté. Tu bouges surtout pas, tu raccroches surtout pas. Qu'on puisse noter tes coordonnées et t'offrir tes places, tu viendras les récupérer. Ok. Ok. Ça marche, pas de problème, bonne soirée. Reste avec nous, il y a du Hey Baby Allo qui se prépare. La pièce, le gros fou rire de la rentrée. En avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. On se prépare également à du Calcul Challenge. Vous vous inscrivez. Le Hey Baby Allo, pour ceux qui savent pas encore ce que c'est Kalash au bout du fil. Les numéros de téléphone, c'est vous qui nous les donnez. Des amis, des gens qui aiment Kalash, des gens qui aiment un peu moins ce Kalash, des artistes, ça peut être aussi des administrations. 0820 203 200, voici à quoi ça ressemble. Allô ? Hey baby, allô ? C'est qui ? William ! Ah, William ? Ah, tu me trompes drôle. Oui ! Cool ! Pourquoi tu m'appelles ? Pour t'enculer gentiment. Mais mec, t'es sérieux là ? Pardon, Amdoula. Il y en a d'autres tout à l'heure. Génération F7, 100% radio libre, 100% radio libre. Tous les soirs, sur Trace FM. D'ici là, on va s'ambiancer avec Tijo derrière les platines, la gay. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne, dance floor, hanging with some girls I never seen before. Full steel with the land, my girl. Full steel with the land, my girl. 100%, 100%, 100%. Alright then, no The way how you move that body incredible. Me love how you keep it steady too. Yeah, me see all the thing them way you do. Me love how you shed and jelly too. Baby girl and more get with you. You know some me just not this you. Baby girl, call me love how you fit too. Me love it when you ride it. Me turn up inside it. Me turn up your pride it. And burn up the night when me glide it. Me ride it. Me turn up inside it. Me turn up your pride it. And burn up the night when me glide it. Every day when me see her, me have a pitch center. You don't know, shot up, I represent. Every day me have a gift, 100% my girl. Full seal with the lens, with the lens. Full seal with the lens, my girl. Full seal with the lens, with the lens. Me love it when you ride it. Me turn up inside it. Me turn up your pride it. And burn up the night. Let me ride, you ride it. Merci d'être avec nous, Mada Guadayana. 0820-203-200 également sur le net www.trace.fm. Un petit coucou à Guillaume qui nous rejoint sur Twitter. Il y a Célia aussi qui est là, Magical Chris, Laurie et Mademoiselle Sissi. Il y a Roxydot aussi qui vient de se connecter. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820-203-200. Il y a TG aussi. TG ? Oui. Ça, c'est quelqu'un qui t'a parlé sur ton WhatsApp à toi. Ah non, sur Twitter, il m'a envoyé un petit message. Oui, donc à toi, c'est ça. La meuf, en fait, l'émission se passe très très bien. Attention, il vient de se connecter à ma voix, très présentement. Il vient de se connecter à mon compte Twitter. C'est important de signaler sa présence. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Lilou aussi nous a rejoint. Il y a du sexe confessionnel tout à l'heure. Elle nous prépare également du top à top. Comment vous allez aujourd'hui? Comment s'est passé pour vous le passage de cette nuit un peu cloîtrée, cloisonnée du côté de la Martinique et de la Guadeloupe? Et French Guyana, comment tu vas? Ils sont en force hein, d'ailleurs, ils ont squatté la première demi-heure véritablement les Guyanais. 0820-203-200, vous êtes les bienvenus, hein, c'est pas un reproche hein. Tout à l'heure on a Dasha qui nous rejoint dans le Trace Studio. Non, ça commence. Alors si tu kiffes. Je le fais super mal. On a également Johan qui débarque à ses côtés. Johan. Franchement, honnêtement. Quelle voix. C'est impressionnant, c'est un sacré chanteur. Et puis ouais, c'est ça, c'est un mec déjà sympa dans la vie en fait. Il est agréable. Tu as déjà rencontré Obaigo? Non, pas encore. Ça va être la première fois? Ouais. Prépare-toi, coup de foudre mec. D'accord, ok. D'ailleurs, ça sera ton premier défi. Tu devras lui faire un câlin quand il arrive. Ok. Ouais. Et il faudra que tu retiennes évidemment que votre amour est impossible. Voilà. Johan débarque dans un petit instant dans le Trace Studio. Aux côtés de Dasha. trouve en fait qu'il est l'un des rares à chanter en fait le zouk comme zouk gospel, moi ouais, j'appelle ça. Moi, mais j'ai presque gospeleur, c'est-à-dire qu'il a les mêmes techniques en fait de ces gens qui chantent Dieu. Ils chantent pas toujours forcément Dieu, ils chantent l'amour. Johan, c'est pas forcément ni chrétien ni religieux en fait ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a des techniques là. On sait pas. Peut-être qu'il a, il était fan de Sister Act. Ah si, il y a un peu de religieux parfois. Oui, sauvons, sauvons-nous. La lumière vient de lui. Vient de Ra, moi j'aurais dit. La lumière vient de Ra. Ben oui, tu sais, quand tu fais des vocalises, quand tu fais des vibes, tu vois, parce que souvent dans ce genre de musique, il y a la vibes. Enfin, oui, si tu veux, t'appelles ça comme tu veux. Tout le monde a compris de quoi on parle. C'est le mec qui fait. Et ben tu fais traîner certaines syllabes. Donc viendra, un verbe totalement conjugué au futur, c'est viendra. Et ça choque personne. Je te jure, c'est la musique, c'est la musique. Johan, Desha débarque tout à l'heure dans le Trace Studio. Ils sont nos invités sur Trace FM. D'ici là. Qu'est-ce qu'on fait? Waouh! Allons rien faire, les gars! Allons rien faire! Regarde, les gars! Allons rien faire, les gars! Allons rien faire! Moi, j'arrive pas à ne rien faire! Ah ouais! Bah, tu n'arrives pas à faire ça, ça bouille! Ah non, quand je m'ennuie, je suis obligé de me tripoter, alors. Du farniente, tu es un professionnel du farniente. Justement, quand je ne fais rien, je me tripote. Donc, si vous voulez rester là pendant que je fais ça. Alors, en même temps, ça me fait penser que peut-être qu'après le passage de la tempête, il n'y a pas que les arbres qui se sont débranchés. Les gens qui vont vers les trois îles, faites très attention. Apparemment, mes animateurs aussi se sont débranchés. On nous a toujours pas donné les coordonnées de cette jeune fille. J'attends de la contacter, je dis ça, je dis rien. On veut les nouvelles également du mec qui a failli se noyer à Capesterre là, sur la vidéo. Vous avez vu aussi cette vidéo qui traînait, il y a un mec qui a pris ça de Miss Guadeloupe, je crois, le bateau qui nous emmène, tu sais, de Trois-Rivières vers les Saintes par exemple. Les vagues étaient impressionnantes dans cette petite rade en fait de Trois-Rivières qui permet justement de joindre les Saintes ou entre autres effectivement les autres îles de l'archipel. 0820 203 200, on passe en mode Hey Baby Allo. Allez, on compose le numéro de qui on appelle ce soir? Naomi de la part de Brandon. Alors Naomi nous a donné le numéro. Non, alors c'est Brandon qui nous a donné le numéro de Naomi, donc c'est Naomi qu'on appelle. Voilà. Ok. Allô? Hey baby, allô? On en reste pas là, quoi. On si, si, si, bonne soirée. Non, mais. Elle a l'air sauvage. Mais j'ai surtout même pas eu le temps de d'échauffer un peu mon poignet, là, les gars. Alors attends, aussi, chat. Allô? Hey baby, allô? Vous êtes là? Oui! Ah, mais c'est du super de gueule là, par contre. Oui! Ça a accroché, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, c'est bon. On rappelle! Lui, de toute façon, tant qu'il n'y a pas eu un juron, tu sais, lui, le cocoteur, c'est le spécialiste, tu vois. Quand il fait ses appels au cocoteur, il dit, les gars, tant qu'il n'y a pas un truc sale, les gars, on raccroche pas. Allez, on va essayer. Recompose le numéro de téléphone, mec. Tu vois, fallait pas rappeler, réponds pas. Elle va répondre. Ce serait la loose quand même. Hein. Votre appel. Salé. Sur la messagerie vocale Digicel. C'est bon, on peut y aller? Non, on réessaye. On lâche pas l'affaire, faut qu'elle décroche. Attends, la meuf, on sait qu'elle est là, elle a décroché trois fois, elle nous a raccroché trois fois dessus. Les gars, vous êtes chiants. Et on a toujours pas notre juron.

claque à fun, en dodo canot ensemble. Moi les 16, on y va, SOP attendre. En beaucoup parier pour faire le grand pas. On fait mon péché ou pas comprendre. Et là au cas, dis-moi qu'elle en vit moins. On préfère faire semblant pas tant. Sans mi en cap et tant, car dit qu'au cap et tant, tout ça qu'on prend panique. Parce que m'en vais pas pète fou tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, yeah. Alors tout doucement, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, effondré, pas fait moins vite fou. Galou tellement belle, ou sa bien qu'un peut pas dire ou non. Ni au sel qu'on voit qui manie ou habilement. En radon cellule, en mode bon acquittement. Elle veut un coup de zèle, en peu éloigné ou qu'on papillon. Oui, le gara ou magique, oui, ou c'est une mauvaise machine. Mais non, on fait pas rêver une relation réelle, qu'est-ce t'imagines? Oui, on qui mal vive, mais non, on pas un gamin, on peut tailler si ou tardi. My AI just changed, it just buzzed the front gate. I thank God you came. How many more days could I wait? I made plans with you, and I won't let them fall through. I think I lied for you. I think I died for you. Jodeci cry for you. Do things when you want me to. Like controller, controller. Yeah, like controller, controller. Yeah. No one y'all can satisfy me. They need more fuel for the lightning. Me no one y'all can deny me. Me no see me change shiny but white breathe. Me a controller, young soldier, once sober. Any man at this we I get slumped over. Don't be scared of the thing, y'all come closer. You need to come over. Bad man, we no watch that. Even women need to watch that. I got my gun on me. If we ever need to shot that. One time, yeah, one time for the rude boy, yeah, you know that. Honey down on a new toy, yeah, you know that. I be looking for you, baby. You need somebody. If I push it so big, big box, you're for so thin, slim, gonna kill me. Mote ke koto we mansel, ke soutien, ke string. A mokaz la gafè menaj. Mene li mank dove li pran woun. Big, big, big, big mak pou li rete saj. Di li mene tout sokopin pa domi. An nou gade pou nou fe woun titou la plaj. Pat gyal pape mouv an le groove la. Poum poum kapete an le moun la. So boda kapete kon boute champagne mwet. Si li kase fizito ke we a pa woun jwet. Sa kafè longay mi le dan for me. Sa bat gyal la kase che control me. Mokre song. Il est monté en l'air, une wheel down. Two nine baby, mini wine for me. Bad girl, go to pay babin program me. To be safe, fuck on l'air, une love song. To le monté en l'air, une wheel down. Now put a foot in the ring, please. Girl, bring your, bring your, bring your, bring your. Me no boss, if I kill him, me no like bully beef. Me no eat even, me no name grace. Girl, give me feel your love in the damn place. She ball out, Jesus, boy, you damn great. She come first, me go second in the one race. Only cook food, go pan the dan play. So me love the girl them, love the girl them, love the girl them, love the girl them, love the, love the, love the, love the, girl. Me pas easy. Girl, money de go, she not talk physique, yeah. The way she wine, she a mash up me head. Dick a plié, so body go on physique. Hey, pe fait dans tout sens multifonction, girl. Suive moi, pas une option, girl. She ride it slow, moi savais qui a action. Climb, il est moudou, vite au champion, boy, yeah. Girl, moi fait ton fly, yeah, ouais. Passant tous les mots, j'en vois un tour. Girl, mais d'un relève, mais non, ouais. Fast tonight, moi fait ton fly. Moi que fait un fly, yeah. Trouve ça moins capable. Je la coque à rime et rien. Ça remarque comme vous m'aimez mal. Pourquoi pas ma petite. Allô? Hey baby, allô? trop des hanches. Je n'ai pas pu me retenir, je sais qu'on s'est quitté à longtemps. J'ai toujours ton numéro, je le connais comme mon nom. J'hésitais mais faut qu'on est beau, de t'entendre je suis content. On m'a dit que t'as un enfant, je suppose qu'il s'appelle Adam. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon couvreur, les gens d'un autre voient rougir. Baby, j'suis tellement désolé. Well, as a man, you have no certain law. Génération 97. As a man, you have no certain law. We've on a pause here, I feel lady song. As a man, you have no certain law. You can't get your liquor and a drink out the straw. Hey. Well, every gangster, we know about the law. If you never look your auntie, straight to Jaja. When we say hand up, from your nose, say your lifestyle, it's no wrong up. From your seat, you can't come out, you come down up. We know a girlie, this a bad man, stand up. This a one, you ask, go to the top. Well, as a man, you as a man, you as a man, you as a man, you as a man, you as a man, you as a man, you as a man, you as a man, you as a man. Merci d'être avec nous dans Génération 97. Il y a Hugo, toute la clique. Oui, on est là. On revient dans un petit instant. Ils viennent d'arriver dans notre studio. Nos invités de ce soir, Yuan et Dasha. Ils débarquent au micro de Génération 97. On revient également avec d'autres breaking news dans un petit instant. On va faire la liste des établissements fermés demain pour cause de dégâts par rapport au passage de la tempête. Attention, peut-être que le tien en fait partie. Ça, c'est du suspense. Hein. Mais peut-être pas. Hashtag G97, hashtag TraceFM. On revient avec le sexe confessionnel tout à l'heure également de Lilou. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts en feuille de bois. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi. Ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son. Ah, ça danse. Un doux suçon. Elle soupire et frissonne. Bébé, le taxi. La conocí caminando por un bar street. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer. Está dura, dura, dura, pero ya tú sabes que ya quiere efectivo, dinero, visa, que tú dura. Est-ce que je reconnais bien la voix? Est-ce que c'est Cécile que tu joues là? Tijo. Cécile, notre invitée demain. Génération 97 live. Même heure, même antenne. Sauf que c'est demain. Cécile, notre invitée pour la première génération 97 live de la rentrée avec les forfaits Play d'Orange pour assister en studio à cette émission. 0820-203-200, hashtag G97, hashtag TraceFM. A tout de suite, dans un instant. Johan et Dasha avec nous, ils sont là ce soir, ils sont là maintenant. Gardez, on vous même gardez, si vous voulez nous c'est pour nous garder. Et bébé, vous savez que ça va faire. pasa ou ka kwe la mwen de ka gade A de sel se kante ke ti mwen gade Baby se foudou se jye mwen ka gade Sa ga fan si mwen mwen pa ga mante Sa la bat pou lwen e pati ten up Everybody put your hands up Nou ka pou e cool man an nou ki bay lat E le se to kwa e de pi to pa Sweet, sweet, sweet, hey, sweet, sweet, sweet, sweet, are you ready? Sweet, sweet, sweet, sweet, t'es obligé d'en se gâte, pas mot et boire, t'y pas. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, are you ready? Sweet, sweet, sweet, sweet, bon, pis, there. J'aime quand ça frappe, j'aime quand ça pétille, ta beauté me tapote la gritille, wine your body, me gal, t'es pas chez style, même si ça carondé, c'est votre format hostile, pas coûté ça, moun, cadigal, moun, pas Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, yeah, yeah. T'es obligé d'en se gâte, pas mort et pas t'y pas. Sweet, sweet, sweet, sweet, tell them, sweet, sweet, sweet, all right. Sweet, sweet, sweet, sweet, come on. Génération 97, le soir, prends la parole sur Trace FM 0820-203-200. Appelle et exprime-toi en direct. On est de retour dans Génération 97, Mada, Guada, Yana. Et on a été rejoint par du beau monde. Ouais, comment on pourrait faire ça, tu sais, genre Génération 97. Non, pas comme ça. Bienvenue dans le studio. Tu peux t'abstenir. Studio. Bon, j'avoue que ça ressemblait à un truc très très bizarre. On s'est demandé qui tuait le chat. Mesdames et messieurs, avec nous dans le studio, Johan et Dasha. Ouais. Messieurs. Il y a des gens qui sont encore en pleine grossesse. Hein. Sur Facebook, sur Snapchat également. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Trace FM 97. Johan, comment ça va? Ça va, on est là. Ça fait plaisir de voir que vous n'avez pas changé. Si, quand même, les studios ont un peu changé, mec. Non, mais je parle de vous, moi. Non, mais écoute, on est restés les mêmes. Hein. Ça fait plaisir. Bah écoute, moi, je me rappelle de. À l'époque, attends, quand il était venu nous voir dans le studio, tu sais, en bas, là, le bendo. Le bendo. Le bendo dans lequel on était pendant des années. Dasha aussi a connu ce bendo. Mais la dernière fois que je me rappelle de Johan dans le bendo, je crois que c'était l'époque de Beyoncé Drunk in Love, ça vous dit quelque chose? Le mec est arrivé avec deux bombes, tu sais, dans le studio, et puis il était là, il a fait concurrence, compétition et Beyoncé. Vous vous rappelez de ça ou pas? J'ai fait Jay-Z. Attends, j'essaye de me rappeler quelle époque c'est. Beyoncé Drunk in Love, ça a un an et demi, deux ans, combien? Deux ans. Ça fait trop longtemps qu'on ne t'a vu, mec. Trop longtemps! Allez, comme ça. Je me fais désirer, ce qui paraît. Enfin, on s'est croisé quand même sur quelques podiums, sur quelques scènes. Bah, entre-temps, on a complètement refondu l'endroit de manière à ce que tu te sentes un petit peu plus encore chez toi. Voici les nouveaux studios officially de Trice Caribbean. Lourd. Ouais, on est obligé d'apprendre à parler anglais maintenant. Lourd. Demain, on reçoit Cécile, mec, tu sais, l'interview en anglais. Ça sent la merde, les gars. Ça va chier les bulles. Pourquoi tu me regardes? Je sais parle pas. Pour toi. Ouais, tiens. Qui parle bien anglais parmi vous? Bonsoir, Dasha. Comment ça va? Bonsoir, tout le monde. La forme? Ça va très bien, merci. Ah, toujours. Elle est un peu habituée. Elle a un petit avantage sur toi. Elle est déjà venue dans le studio. Elle a déjà repéré. Elle connaît un peu. D'ailleurs, c'est toujours la même place. Non, elle s'est décalée d'un siège. Est-ce que quelqu'un peut me faire l'horoscope? Qu'est-ce que ça veut dire? L'alignement des planètes n'est pas le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-elle changé d'un siège? Ça veut dire que s'est éloignée du pervers. Elle a raison. Ouais, elle s'est éloignée du pervers. C'est le pervers du réfectoire. C'est le pervers du réfectoire. Ah, elle se rappelle bien. Ah bah oui, très bien. Elle se rappelle très maintenant j'ai Johan, vous avez la grossière de son bras à côté de moi. Alors Johan, voilà. Ça m'a toujours impressionné, mec. Ça m'a toujours impressionné. Ouais, Johan est avec nous. Comment d'un corps de brut peut-il s'échapper une voix si douce? Mais c'est ça la feinte, justement. C'est la feinte. Là, c'est que tout le monde s'attend à ce que tu sois sauvage et méchant, non? On dirait un tic-tac, le mec. Un enrobage de grosseur. Avec à l'intérieur une voix de douceur. On est content de vous avoir avec nous, les gars, vous débarquez dans le studio. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane vous écoute ce soir comme à l'habitude. On se connecte également à distance sur www.trace.fm. S'ils ont envie de vous parler, ils débarquent au 0820 203 200. On est sur les réseaux sociaux. J'avoue, on est en mode show. j'avoue, on est en mode très très chaud. Chaud deux fois parce que chaud à cause de la chaleur et chaud une deuxième fois à cause du spectacle, si tu vois où je veux en venir. Dachelle connaît un peu. Toi, ça fait un petit moment que tu nous as pas vus. Donc si ça se trouve, tu vas un peu halluciner. Je dis ça, je dis rien. J'ai branché les platines normalement. J'attends une petite instru. Je vais vous raconter une petite histoire que je n'ai jamais eu l'occasion d'évoquer à la radio. Il y a quelques années de ça, je ne vais pas dire combien de temps parce que franchement ça nous rajeunit pas, Johan. À l'époque, il y a un concert qui se prépare. Et il y a des mecs dans un jacuzzi, notamment dans un hôtel Caribéa qui s'appelle Tu te rappelles pas? Je vois pas de quoi tu parles. Comment il s'appelle là? Le Canela Beach, c'est ça. Le Canela Beach. Tu sais, un truc, tu sais, au bout de la plage, tu sais, c'est pas au bout de la plage, c'est au bout de la péninsule de... Enfin, c'est difficile à expliquer. T'avais qu'à connaître le Canela Beach. Bref, on est en Guadeloupe, c'est un truc de dingue. Il y a une équipe de fous. À l'époque, je fais la connaissance, en fait, des traits d'union que je ne connaissais pas avant de les rencontrer. Traits d'union, c'est toi et ton frère. On y reviendra dans un petit instant. Et ton cousin, effectivement, qui est là aussi ce soir. Ça fait plaisir de le revoir. Il est là? Il traîne. Ouais, il traîne dans le coin. Ok. Mets-moi la petite instru, s'il te plaît. À l'époque, les mecs sont capables de faire juste à la voix le baile funk. On a une interview le lendemain matin dans les studios de Trace Guada, tu sais. Et là, on est parti dans un délire. On n'a posé aucune question. On n'a pas parlé de l'événement. Non, il nous est arrivé un truc de fou. Sur l'antenne, on a fait du baile funk. Est-ce que tu sais toujours poser sur du baile funk? Ouais, franchement, ça peut traîner. Mais c'est vrai que j'ai un peu vieilli là. T'es un peu rouillé. Un peu rouillé, ouais. T'es capable de poser sur du baile funk? Dacha, t'as jamais fait? Non. Ouais. Ce soir, tu vas faire que les premières fois. Ça va être notre première fois et notre première fois aussi. Ouais. T'as essayé ou pas? Tu veux pas essayer? Tu veux pas tester? Non, vas-y. Je sais pas. On essaye tous ensemble. On fait un featuring histoire d'évoquer le bon temps. À l'ancienne. Ok. Alors, vous voulez la petite voix machin? Si vous do with us, no matter you should watch your woman. Plein de chichis comme ça, on sait. On était vraiment débiles. On faisait. Vas-y, passe les balais, cher Pierre. Passe le balai, cher Pierre. Le sol, il est pas propre, c'est pas propre par terre. Pierre. C'est pas propre par terre. Je fais pas la danse qui va. Ah oui. Cher Pierre. Ok. Cher avec le petit pardon, ouais, c'est yo. On est en direct sur live Facebook. Johan et Dacha sont avec nous. Dacha. Quand tu prends cette voix. Dacha. Oui, Johan. J'ai lancé combien de scènes avec toi là? Oui, Johan. Ah, j'ai aimé ça. Elle a même oublié ton nom. Combien de scènes ai-je lancé avec toi de ces 4 derniers mois? Je sais pas, au moins une dizaine. Ok. Chaque fois, c'est la même chose, quoi. Tu vois les hommes de l'assistance faire « Ah ouais, ça commence !» Tu vois les femmes de l'assistance qui accompagnent ces hommes cacher les yeux de leur mari. Tu vois les enfants faire « Ouais, elle est trop belle !» Dacha, c'est quand même incroyable ce que tu vis. Tu penses qu'il y a un truc en particulier chez toi, au-delà de ta musique? Est-ce que c'est lié un peu à ta personnalité que les gens t'apprécient autant, te trouvent aussi sublime? Est-ce qu'il n'y a pas une proximité aussi qui se dégage de toi qui fait que les gens t'adorent? Mais ça, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est pourquoi? Parce que chaque fois... Parce qu'à chaque fois que tu me présentes sur scène, je dis « Attention mesdames, tenez vos maris ». Sans toi, elle aurait déjà pécho. 0820-203-200, les deux sont avec nous, en tout cas dans le Trace Studio ce soir. Les deux ont probablement des projets en cours qui leur échappent totalement. Je parle de projets en cours quand forcément tu fais un tube énorme, zouk, incroyable, qui fait danser toute la population. Il y a des enfants qui sont conçus dessus. Il y aura probablement 9 mois après le succès de ces titres, Amour impossible ou sans vous, ou peu importe, il y aura plein de petits Johan qui vont naître en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et plein également de petites Dacha. Ah bah oui, on l'espère. Ouais, ça vous fait plaisir de rapprocher les gens ou pas? Bah franchement, c'est... Ah bah grave. Honnêtement, c'est plaisant. Ah mais il faut pas que se rapprocher, hein. Ils s'insèrent carrément. Non mais c'est un peu notre travail, c'est un peu... Qu'est-ce que j'essaye de leur dire? Qu'ils sont en quelque sorte un lubrifiant des rapports humains. Dacha et Johan sont avec nous et pour la bonne cause. On va en parler dans un petit instant. On est en pleine semaine en fait de lutte contre la drépanocytose et c'est une des raisons de votre engagement et de votre présence ce soir. Les détails arrivent dans un petit instant. Un live énorme se prépare et surtout des recettes se préparent à être en enregistrés de manière à pouvoir être redistribués dans le cadre de cette lutte de la maladie. On en parle en détail dans un petit instant. 0820 203 200. Alors, on a du calcul challenge qui débarque dans la radio. Qui était doué à l'école? Dacha? Non, du tout. Les mathématiques, pas votre truc, c'est, truc. Bah, c'est pour ça qu'ils ont fait chanteur. Hein. Artiste. Artiste. Non, artiste. Ça sent le seum, ça. Non, non. Wow, ça on va avoir des problèmes. Non, ça sent problèmes. On a Rémi qui. Si vous voulez, il est garé juste devant. Pour crever les pneus, éventuellement. Rémi est avec nous du côté du standard. Bonsoir, Rémi. Comment ça va? Allô, allô. Bonsoir. Ça, oui, va, ça bien. Va bien. Rémi est pour l'instant notre champion. Le calcul challenge prend de l'ampleur sur le web. Le calcul challenge, c'est rien de compliqué. Tu sais, c'est 1 plus 1, 3 plus 4 et de temps en temps une soustraction. De temps en temps seulement. On n'a même pas encore intégré les multiplications, mais pour autant, il nous faut des nouveaux champions. Donc on teste tout le monde. Tout le monde l'a fait dans le studio et j'ai envie de le faire aussi avec vous. Qui commence? Dacha? Moi. Tu commences, Johan. Alors, Rémi, étant donné que tu es le champion pour l'instant du monde des Antilles-Guyane de chez nous, c'est toi qui dois donner les additions et les soustractions. Tu es prêt? C'est bon. Évidemment, comme le veut la règle du calcul challenge, on le fait en rythme. Ouais, c'était ça. Ok. Rémi, ça va? Ça va. Tu es là? Oui, je suis là. Johan en face de toi? Oui. Attention, je te donne le décompte. On y va presque. Johan, tu réponds. 9 à la suite et c'est gagné. Pour l'instant, c'est le champion. Attention, Rémi, on y va. 5. 2 plus 2. 2 plus 2. On y va, c'est parti. Ok, on est parti. Tu peux la recommencer. Ok. 2 plus 2 fait 4. Bon, coca, on est encore. 4 plus 7. Je sais plus. Ah, tu m'as tué tout de suite. Calme-toi. 4 plus 7, on mec. Non mais non les gars. Non mais je suis sûr qu'on enlève la musique. Je suis sûr que 4 plus 7 tu y arrives. Non mais non à peu près. Mais là franchement vous me perdez. C'est ça. On est en direct sur live Facebook, rejoignez-nous. Bon, Dacha, c'est ton tour. Non mais attendez, vous avez triché là. Non, on n'a pas triché. Non mais je vais pas faire mieux que Johan, je préviens. C'est toi qui n'as pas été assez bon, on y va, c'est parti. Attention, Rémi. C'est toujours la même personne, Rémi. C'est toujours Rémi qui te donne les additions et les soustractions. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire speed, vous devez juste respecter le tempo. Ok, voilà. On y va, c'est parti Rémi. On va voir si tu es sensible au charme de Dacha ou pas. Je t'aime Rémi. On y va, c'est parti. Rémi, tu vas peut-être trouver ta famille. On y va, c'est parti. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, partez. 1 plus 0. 1. 2 plus 2. 4. 5 moins 2. 5 moins 2. 3. 7 plus 12. 9, 19. Pour l'instant, Rémi, tu n'es pas battu mec, mais tu vas défendre ton titre face à d'autres auditeurs qui débarquent au standard. Il y a François qui va tester, il nous appelle de Cayenne, 23 ans, on fait ça dans un petit instant. Mais évidemment en compagnie de Johan et de Dacha qui sont nos invités ce soir. Lâche-moi un petit Ken Jones, qu'on s'ambiance. Et on revient dans un petit instant sur Trace, Mada, Guada, Yana, 0820-203-200. Ça c'est la suite côté Zik. Ok, t'entends ça? Il y a le refrain qui arrive, il y a une petite session de mix, il y a Johan, Dacha avec nous, du calcul challenge, et on revient également avec du canular dans un instant. Le canular, ce sera en fait la hotline des cocoteurs. Ok, bah on appellera Zizi973. Alors il y a des chances que peut-être on soit déjà tombé sur vous, on n'a pas divulgué votre identité, mais on parle des gens qui sont inscrits sur les sites de rencontres. Ok, et on les teste, on les chauffe, et à un moment, on les prend en direct dans l'émission. Ça, c'est un petit peu plus tard, le temps que les enfants nous quittent. D'ici là, on revient avec Johan, Dacha, Ken Jones, c'est côté mix. On revient dans un petit instant sur Trace, à tout de suite. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Moi j'adore. Et Doggy Message. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de

ça. Donc on est là en tant qu'artiste, c'est aussi notre devoir de participer à différentes actions pour pouvoir récolter des fonds pour pouvoir trouver une solution pour cette maladie, pour ces maladies. Justement parce que la drépanocytose n'est pas la seule maladie grave qui existe dans le monde. On est tous touchés par des maladies et c'est notre devoir en tant qu'artiste de participer à ces différentes actions. Que donner la force en fait. Voilà, donner la force aux organismes. Parce qu'on a tendance à oublier que cette maladie qu'on pense bénin, on va dire, et surtout elle est vraiment, vraiment, mais moi en fait, à chaque fois j'en entends parler, et quand j'en parle aux gens, les gens me disent qu'ils ne connaissent pas. Et c'est vrai que on fait partie de ces gens où on a la possibilité de pouvoir divulguer la bonne parole. On va faire un top 5 un petit peu, parce que en tant qu'ambassadeur de la drépanocytose, ouais, forcément vous avez un peu potassé le sujet. Les gens autour de vous évidemment sont concernés. Et c'est vrai qu'en plus on peut aller au-delà. C'est vrai que c'est une maladie qui nous concerne particulièrement en fait, parce que c'est une maladie génétique qui concerne les populations noires en fait. Donc du coup, clairement, on a un ratio de drépanocytaires parmi nous. Alors il y a plusieurs actions qui sont menées, notamment ce concert également. On précise bien, alors j'ai quelques invitations à offrir pour ce concert, mais en toute honnêteté, ce qui serait cool, c'est que je les offre une par une pour la bonne et simple raison que tous les fonds récupérés notamment de ce concert iront à la lutte contre la drépanocytose. Donc vous offrir des places pour rentrer gratuitement, ça paraît un non-sens, sauf que je peux comprendre qu'effectivement en ce début d'année, le portefeuille soit pas forcément très très garni, mais je vous file une place au standard, 0820 203 200, et vous y allez avec une personne qui paye sa place. Ça vous fait une place de moins à acheter, c'est un peu moins lourd sur votre portefeuille, mais vous aussi vous participez à la lutte contre la drépanocytose. Alors, en 5 points super simples, tu sais, genre mode Max Lesguy. La drépanocytose, c'est quoi, Dash? Une maladie héréditaire et génétique, Ok. Ça touche plus les garçons, plus les filles. Tout le monde. Ça touche tout le monde, ça touche surtout la peau. La vraie peau noire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a suffisamment les moyens de lutter contre cette maladie? Ben non, c'est justement pour ça qu'on fait des événements pour pouvoir récolter des fonds. Tout à fait, il y a encore à faire et il y aura toujours à refaire. Et donc, si nous, en tant qu'artistes, on peut au moins pousser et donner cette petite force. On finance non seulement la recherche avec par exemple ce concert, mais on facilite aussi par exemple la vie des malades, vrai ou faux? Nous on sert aussi justement en tant que qu'artiste de pouvoir donner un peu de pouvoir partager quelques sourires et pouvoir donner un peu de force et malheureusement on peut pas être tout le temps là, donc si ça peut permettre en tout cas de donner un peu de joie, forcément avec plaisir. Les artistes se mobilisent en ce début d'année, que ce soit contre la violence, que ce soit notamment pour la lutte contre la drépanocytose. On est en pleine semaine officielle, c'est inscrit au calendrier. Vous allez forcément en entendre beaucoup parler. Mais le but du jeu, c'est aussi de se bouger, parce que forcément dans notre famille, on a toujours quelqu'un de concerné. J'avais envie, parce qu'on faisait l'analyse tout à l'heure avec Nessie, on trouvait que ta voix, Johan, nous faisait penser à un zouk un peu gospel en fait. Ouais. Il y a vraiment une puissance chez toi. Qui fait penser à ces chansons qui te prennent aux tripes, alors que on pourrait se retrouver dans une église un peu à la Sister Act, un peu à cette ambiance là. Est-ce que ça vient vraiment de là? Je viens d'une culture R&B, donc tout ce qui est R&B vient forcément de cette base de gospel. Donc après, le gospel pour moi ça va avec la religion et la foi, spirituel. Donc le spirituel, donc c'est pour ça que je n'ai pas été par là. Mais oui, moi je suis très honnête avec moi-même. Et sinon oui, je viens un peu de ce milieu. Donc c'est un peu normal qu'on me retrouve un peu. Est-ce que tu pourrais m'apprendre une vibe entre gospel et entre zouk, mais à Sabri? Est-ce que tu pourrais m'apprendre une vibe à Sabri? Ok. Je pense que tout le monde a compris la phrase. Y a que toi qui chipotes. Je pensais que c'était à toi, quoi. Tu rushing à la. Mais voilà, c'est ça. Va falloir faire bouger un peu. Est-ce que tu pourrais apprendre pour moi? Parce qu'il préfère la phrase comme ça, tu sais, plus local. Est-ce que pour moi, tu peux apprendre à Sabri, tu donnes une petite vibes, en fait, gospel zouk, ok, dont tu as le secret? Alors, une petite vibe toute simple. C'est bon, Sabri, t'es prêt? Ouais. Alors, ça fait. Yeah. Voilà, c'est sympa ou pas? Yeah. J'adore cette note. Celle-là. Ouais. J'adore cette note. Il a mis un petit vibrato là qui était pas invité normalement à la soirée. Il vient tout seul. Tu peux dire. Amen. gospel ou pas? Il y a des chansons que tu connais un peu en matière de gospel, toi, Dasha? Non, même pas. Faut mettre la crème solaire, Yannick. Hein. Ah, parce que le gospel, attention. Ah attention, s'il vous plaît, applaudissements pour Nessie et cette vanne de merde. Mais vu sa musique. Ouais. La petite musique de Nessie. Attention, lorsqu'il y a gospel, c'est que tu n'as pas mis assez de crème anti-UV. Eh oui, parce qu'après le coup de soleil, le gospel. Bravo Nessie. Bravo. Vous pouvez m'applaudir quand même parce que j'ai fait l'effort de faire l'autopsie, personne ne voulait y aller. Hein. Bref, c'est gentil, merci beaucoup. Tu connais pas du tout de classique, de gospel Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus won. When Jesus won. Eh ben là, on va s'arrêter là parce que Non, ça le fait. On le fait tous ensemble. C'est parti. Ah, bienvenue sur Trace FM Gospel ce soir. You're right. Yeah. Bienvenue sur Trace. Bienvenue sur Trace. Bienvenue sur Trace. Bienvenue sur Trace. Avec Yannick. Avec Yannick. Bienvenue, chers auditeurs. Les auditeurs. On est avec Yoann. On est avec Yoann. On est avec Sabri. Oh, Sabri. Bienvenue sur Trace. Yes. Vas-y, ma nature, balance. Ah là, c'est ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eh, c'est pour ça que j'adore cette radio. Non mais les gars, ça chante. Les gars, ça chante, les gars, ça chante. Ça va. Dasha, cool. Mais aussi Yoann, sans oublier Pompis qui sera notre invité d'ailleurs demain soir. Mais également Mehdi Custos parrain de ce Drep Action 2016. Je crois que j'ai oublié plein de gens. Il y a Orlan, Jean-Marie Ragaz, yes, Yoann, Dasha, Dominique Lorté. Maman. Un Loumoun. Cool, hein. Jean-Philippe Martelly, Léla Chico et bien d'autres. Tous motivés et mobilisés dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose ce samedi 20h du côté de l'espace Camille Darcière, Aimé Césaire, pardon, Grand Carbet, Aimé Césaire, 19h30, le concert c'est samedi. On a quelques invitations à vous offrir, mais le principe c'est qu'on va les offrir par une. Le principe étant d'alléger un peu votre portefeuille parce qu'on peut comprendre que la rentrée a été chaude pour vous. Mais en même temps, que vous jouiez le jeu en achetant un deuxième ticket parce que tous les fonds récupérés seront reversés à la lutte contre la drépanocytose. Ouais, ok. Parce que prochaine fois, je le dis plus en entier, je dis pour les drépanos. Drépanos. Ouais, pour aller encore plus vite. Drépa. On avait un petit défi à vous lancer ce soir. On a fait le gospel et on a envie de vous entendre dans un univers pas commun. Je m'explique. En fait, vous chantez l'amour. On sent effectivement la vibe caribéenne, elle est clairement identifiée. I love you. Et en ce moment, tu sais, on voit certains artistes qui, par exemple, ont des bad lyrics, tu vois, des bad lyrics, par exemple, qui sont pas forcément des très très bons exemples, qui s'unissent tous contre la violence. On a envie de voir l'inverse. Quand on chante l'amour impossible, quand on chante sans vous, quand on chante, par exemple, avec Nicey, j'oublie le titre, là, il me revient pas là tout de suite. On choisit. Vous en choisit. Ok, quand on prône l'amour, quand on prône les valeurs de l'amour, qu'est-ce qui se passe quand on vous met une autre instru, un autre univers, genre limite un peu trap? Ok. Vous relevez le défi? On verra. Ah, vas-y, lâche. En exclusivité, Yoann et Dasha relèvent le défi. Ils sont mobilisés dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Samedi, il y a le Drep Action. Procurez-vous des tickets, notamment pour participer vous aussi activement à la lutte et profiter d'un énorme concert samedi. Le défi est enclenché. 1, 2, 3. On va le faire sur cette instru. Attention, c'est parti. On le fait sur Panda, les gars. Ok, on va tenter ça. Tu es mon amour impossible. Ok. Ah, vous êtes prêts? On peut faire l'amour un peu sur ce. Attends, j'enlève mes vêtements. D'accord. Panda, Remix, Yoann, Dasha. Tu es mon amour impossible. Moi je sais que je sais pas pourquoi. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. C'est pas la peine, mais ceci de vous. Ah, c'est pas mal ça en fait, je vais me faire ça. Ok, c'est parti. Dacha, je sais que toi c'est ton délire. Alors vas-y, balance. Je t'aime un peu, beaucoup à la folie. Ok. Passionnément, tant pis, je franchis l'interdit. Ok, bébé. Exigeante, je veux tout et tout de suite. Manipulation inside, no exit. Je t'aime un peu, beaucoup à la folie. Yes. Passionnément, tant pis, je franchis l'interdit. Ok, moi je sais pas quoi faire, je sais pas quoi chanter. Je mens pas, je suis à l'over. En effet, on essaye. Emmène-moi. Yeah. Oh non, emmène-moi. Pourquoi tu, vous avez mis tu peux me parler du concert aussi, hein. Mais pourquoi vous avez mis du vocodeur bizarre là? Un vocodeur bizarre? Bande de voleurs. Ah, je vous vois. Yeah, ok. Alors, je vous invite à venir samedi. Yeah, yeah. Ça va être chaud, ça va être bon. Je vous jure que le projet est lourd. Il faut venir, yeah, yeah. Vous allez payer pas cher pour une bonne cause. Tu aimes trop cyanide. On va lutter contre la drépanocytose. On va lutter contre le vanocyto. Je vous invite samedi, yeah. Avoir un concert chaud, yeah, yeah. Oh, je vous invite samedi, on serait là comme promis. Je vous invite samedi. Samedi. On est tous concernés. Ouais. On est tous concernés. On va lutter tous pour les trépanos. Applaudissements s'il vous plaît. Hey. Hey. Ok. Ha. Je check, moi je te check ma sauce. Okay. Bien joué, bien joué. Je m'en là. Ok, c'est le samedi 1er octobre. Okay. C'est à 19h30 au Grand Carbet. Au Grand Carbet. On vous offre des invitations. Charge à vous d'y aller accompagner pour vous aussi participer à cette lutte contre la drépanocytose. Drep action. Tout le monde fait drep action en faisant un dab. On y va. 1, 2, 3, 4. Drep action. Dab. Drep action. Dab. Drep action. Dab. Drep action. Drep action. Avec Johan Dacha, Pompis, Dominique Lorté. Ils sont très très nombreux à être mobilisés. Une énorme soirée vous attend, un énorme plateau artistique et surtout une très très bonne cause. Tu vas lutter contre la drépanocytose. Rendez-vous samedi à Aimé Césaire. Bien joué. Merci d'avoir été avec nous les gars. Bien joué, franchement. Ah, un fier des autres. Ouais, non. C'est cool. Comme ça, ouais. On a les instruits. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Vous revenez quand vous voulez dans le Trace Studio. C'est vrai que ce soir, c'est cette cause qui vous mobilise, mais on se tient au courant de toute façon de vos actualités, des rebondissements autour de votre vie privée. C'est aussi notre travail dans les Breaking News. Tout à fait. Je sais. On n'a pas parlé de son frère, Johan. Ah ouais. On n'a pas parlé de son frère. Tu sais qu'on a sursauté, nous on le sait, mais il y a plein de gens qui se sont dit mais pourquoi le mec maintenant il s'appelle Greg. C'est vrai qu'il y a une ressemblance frappante. Hein. Physiquement, vous vous ressemblez beaucoup. Mm-hmm. Physiquement. C'est même pas ton jumeau. Et, non, même pas. Et musicalement, c'est assez proche. Vous avez des univers. En même temps, vous êtes super fusionnels, vous avez bossé sur le groupe ensemble, c'est logique. Tout à fait. Bref. Il y a donc deux personnes. Ne croyez pas que il est schizophrène. Mais il y en a un qui est plus fou que l'autre. À vous de choisir lequel. Johan avec nous dans le Trace Studio. Et Dacha, merci d'avoir été avec nous. Right. Merci. Yeah. Merci en tout cas à vous. Merci de donner la force. Et surtout, encore une fois, même si on rigole depuis tout à l'heure, n'oubliez vraiment pas de venir parce que c'est vraiment samedi important. Samedi 1er à Salé Messézère. C'est très important. On est tous touchés. On est tous concernés. Donc venez nous donner cette force parce que nous, on le fait déjà et on continuera à le faire chaque année. On est là pour ça. On n'est pas que là pour faire passer de beaux messages et parler d'amour. On est aussi là pour parler de bonnes choses et lutter pour de bonnes choses. Donc merci à vous et puis on vous attend tous samedi. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Johan, Dacha. Sous vos applaudissements, le DJ reprend le contrôle. Coucou live Facebook. On va vous laisser encore deux petites secondes avec les auditeurs sur live Facebook. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Lâche-moi un peu de son, mec. Ouais. On revient dans un petit instant. On se prépare à la hotline des cocoteurs. On va sourire dans ce studio. Et puis on parle sérieux aussi. Si vous avez un truc qui vous concerne ou un débat d'actualité que vous voulez déclencher, on va jouer aussi. Attention, il remet son titre en jeu. Il s'appelle Rémi et il joue au Calcul Challenge. Est-ce que tu le défies? Baby dancing for me, end up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda. Baby dancing for me, end up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda. Baby dancing for me, end up. One in a million. Nobody give me wine like this. Tell me I be one in a billion. Where everybody then they call me cheap. I know they carry pots like a bullion. Where if you give me dance, you go chop deep, deep. Baby girl like a billions. Where you give me chance, make you chop deep. I she do the Al-Qaeda. She said the yoke up on fire. Where body big like Bombardier. Her body big like Bombardier. She say she no want no Wahala. She no want no Wahala. She need a real man like Montana. I be hustling to work, say, you do a labor, me and see, for more dogs to do. You be hustling to work, say, you do a labor, my people dead, yeah. My people suffer, them they pray for blessings. Hey, you do a labor, my people dead, them they pray for blessings, for better living. Big bad DJ. Okay. You might see me in the Ray-Ban. Man, I'm bad from day one. I don't trust you, you a pagan. Them man, they chat rubbish. Waste man. This beat is lethal like Bizzle. Them man, I washed up. Shizzle. It's no joke like Riddle. She won't get high, MD, Gizzle. Backside every shot, like Matrix, everybody get flat. London, UK, man, get that. You not like that dancer, you will get gas. Step on our wheels, let's ride in. Pandy motorway, we time cruising. This body tough, everybody dancing. And we are Jamaicans, we not take styling. Tom Cruise, Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise. I really, really think that I'm Tom Cruise. Ray-Ban, Ray-Ban. Catch me in the dance in my Ray-Ban. Ray-Ban, Ray-Ban. Man, I've been back from day one. Ray-Ban, Ray-Ban. Catch me in the dance in my Ray-Ban. Ray-Ban, Ray-Ban. Man, I've been back from day one. Managing in other places, I must. Tell a fiel us have me Invictus. Mirrors look like the lights of Christmas. And if I'm no money, me not nothing for this. On revient dans un instant dans Génération 97. 0800 22 103 200. On a du calcul challenge. Vous pouvez relever le défi en vous inscrivant. 9 bonnes réponses à la suite. C'est évidemment le score à battre. On revient également avec du cocoteur. On appellera Zizi 973 tout à l'heure. Yes. Et puis qu'est-ce qui se passe d'autre? Du sexe confessionnal. On aura des jeux aussi. Il y a des cadeaux à offrir. Le signal qu'il faut continuer à guetter pour être invité à l'avant-première de la pièce. Restez vigilants sur Trace. On revient, à tout de suite. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Moi j'adore. Et t'as des messages. Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fm. L'amour, le désir, ça ne fait pas tout. Nous deux, au 97-300, nos experts te diront si vous êtes vraiment compatibles. Nous deux, NOUS 2, au 97-300, passerez-vous l'épreuve du quotidien? Une vie de bonheur à deux? Un instant de douceur et un adieu? Nous deux, au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrée. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Ton couple est-il fait pour durer? Infini au 97-300. Un mois, un an, 10 ans, une vie? Envoie Infini, INFINI au 97-300. Nos experts pourront te donner la réponse. Infini au 97-300. Trouve la sérénité et avance. 65 centimes plus prix du SMS DG. Génération 97. Le soir, la première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM. Yo, DJ K, nous voyons là. C'est la son spécial dédicace pour tous les Caribbean girls qui se placent là. Femmes qui s'awaient et qui sont à basse là. Admirable si y'a pilier là. Clean, mais pas easy. Calme-moi les déclenches, une attaque physique. Yeah. Do what she wine, she a mash up me head. Et qu'a plié sous body, couronne physique. Et il peut faire dans tout sens, multifonction, girl. Suive-moi par une option, girl. She ride it slow, moi savais qu'il y a action time. Il est modou, vinto champion, boy. Yeah. Yeah. Girl, mon rêve est au fly, oh, ouais. Passe à tous les mots, j'en vois entouré. No, girl, mais n'a relève, you know, ouais. Passe tout night. Moi que fais au fly, yeah. Mon trou sans moi capable. J'en la qu'au carré, mais rien au serre mon cap. Comme on m'aime à la tête, ou pas fais moi péter yon cap. C'est pas taille mannequin, nos frangins. Quand on est permis poil, ou poupée fait planer, consensuel. Poupée fait planer, consensuel. Parce qu'il y a l'autre bad, l'autre wicked. Comme on m'aime à go chat sans fumer weed. Caribbean girl, I need. Baby, moi que fais au fly. Baby, moi que fais au fly. Fais au passé un bout de taille. Sauf la nuit la caille long, faut savoir la nuit la caille long. Girl, mon rêve est au fly, ouais. Passe à tous les mots, j'en vois un tour. No, girl, mais n'a relève, you know, ouais. Passe tout night, mon rêve est au fly. Caribbean, girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. West Indies, girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. Don't tell them, say we love Guyanese, girl. Don't tell them, say we love Martinique, girl. Say we love for that girl, Caribbean girl. You know, say you are number one. Go tell them. it's a girl, it's on them. De pièce. Appelle-nous au 0820 203 200 pour l'avant-première événement de la pièce. Aucun bluff, tout au feeling. Je vis au jour le jour sans savoir ce qui m'arrive. J'avance seul et selon mes envies. Je passe des heures à marcher dans la ville. Je passe mes journées comme si c'était les dernières. Je veux aller à l'aventure, je veux les faire danser. Sans limite, je me fixe aucune barrière. Mon reflet communique et percé. Je sens la lumière se poser sur moi. Il est temps que je vis comme si c'était le dernier, dernier, dernier, dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier, dernier, dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier. Du danger, j'ai envie de refaire le monde à ma manière. Non, j'ai pas envie qu'on en reste là. Je veux faire bouger mon cœur avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que demain est un autre jour, donc je veux tout voir se faire de détours. Je sens la lumière se poser sur moi. Il est temps que je vive comme si c'était le dernier. C'était le dernier, dernier, dernier jour. Je fais comme si c'était le dernier, dernier, dernier jour. Je fais comme si c'était le dernier, dernier, dernier jour. Gagnant de Trace Music Star, mais aussi un extrait de la bande originale du film La Pièce. C'est ce qu'on vous offre d'ailleurs. Au standard, on a du monde qui nous rejoint. 0820 203 200. Le signal à retentir. Ouais, donc il y a des places à gagner. Il y a aussi les pop-corn, les boissons et tout et tout. Ouais. La séance privée, ce sera mercredi 12 octobre. Ouais, elle vous concerne que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, au Rex, à Madiana ou à Agora. C'est à 16h le mercredi 12 octobre. Qui est là? Allô, Trace FM, bonsoir. C'est Léon qui nous rejoint. Bonsoir Léon. Allô, ça va? Ça va, tranquille. Tu dis stop quand t'es prêt, mec. Et dans pas trop longtemps, de préférence, que je me prenne pas la roue dans la gueule. Vas-y, vas-y, stop. Ok, frérot. Ok, frérot. Hein. Je m'exécute. Execute. Ouais, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est. J'ai été très docile, je l'ai fait au moment où tu le voulais. Tu es sur quel département, Léon? Fort de France. C'est un grand département que Fort de France. Le mec. Autant. Autant ça sonne super bien quand on a quelqu'un qui appelle, tu sais, de l'Île-de-France. Oui, j'appelle du département d'Île-de-France. Autant ça fait un peu bizarre, le mec. Ouais, le Fort-de-France, c'est une planète. Le reste, tour. C'est comme le clitoris d'une femme, tu sais, le clitoris c'est Fort de France, le reste ça sert à rien. Ouais, non mais c'est ce que pensent les Fouillalais, hein. Ah ouais, ouais, ouais, ils aiment leur ville, hein. Léon, tu repars avec combien d'invitations? 2 invitations pour l'avant-première de la pièce. Ça sera le 12 octobre prochain, 16h, avec la personne de ton choix, on te blinde en popcorn, tu vas passer un bon moment pour le premier film du Watibé. Ok Frangin? Merci. Pas de soucis, bonne soirée à toi, bye bye. Ciao. La pièce, le gros fou rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. On va enchaîner avec un petit top à top, ça parle de journalisme et de boulettes, c'est ça Lilou? Ouais. C'est ça. Il y en a eu plein cette semaine en plus, hein. Il y en a eu quelques-uns cette semaine, mais du coup j'ai fait un top des pires sur tout le mois de septembre. Ouais, tout le mois de septembre en fait, les journalistes annoncent parfois des trucs et vous allez voir qu'on n'est pas trop mal classé, hein. Je dis ça, je dis rien, la Guadeloupe, il y a de quoi être fier. Attention, le micmac de la semaine, on a déjà eu l'occasion de rigoler un peu dessus hier soir, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, on en parle dans un petit instant, c'est le top à top. On a aussi Rémi qui est avec nous, mais surtout... Surtout le François, tenant du titre, François qui veut le défier. François, bonsoir. Bonsoir. Ah, il faut que tu coupes la radio, sinon je vais m'entendre en écho. Ok. Tu coupes ta radio, s'il te plaît. Ouais, ouais, ouais. T'es là pour le calcul challenge. Tout à fait. Tu prétends pouvoir faire mieux que 9 à la suite. Bonne réponse. 9 bonnes réponses, okay, à la suite, c'est le record pour l'instant détenu par Rémi, ici présent. D'accord. Rémi, dans un petit instant, nous saurons si tu es déclassé. Et évidemment, la règle du jeu, c'est que si tu n'es pas déclassé, tu repars encore avec un cadeau. Ça, ça nous ferait bien chier, Rémi, parce que... Dis ça, je dis rien. Tu bouges pas, tu raccroches pas, on fait ça dans un petit instant. On va se faire un petit Fat Joe avec Rémi Ma et French Montana, All the Way Up. On revient juste après, 0820 203 200, également sur le net www.trace.fm. Il y aura de la hotline au cocoteur, il y aura du sexe confessionnal. Et dans un instant, le top 5 des plus grosses erreurs. On est concerné aux Antilles-Guyane, qu'ont lancé nos journalistes aussi à propos des fausses informations qui ont pu circuler, quelle que soit l'actualité. On a listé les 5 pires. Et attention, attention, la Guadeloupe est classé dans les deux premières pole positions, hein, quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. D'ici là, allez, lâche-moi un petit All the Way Up. Non? Pourquoi non? Pourquoi non? Depuis quand tu décides, en fait? Et moi, je te montre que je le lâche quand même. Voilà. Et maintenant, débrouille-toi. Ah bon? Tijo Sound derrière les platines avec nous. On revient dans un instant avec du calcul challenge et le top 5. What you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. All the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. For my niggas with Bentley coupes and Rolexes. Kicked the bitch out the room and gave her no breakfast. Had to stash the jewels, these bitches so reckless. Keep my hoes on cruise, I'm talking no. Showing off for new things. Couldn't take it all, so I gave her un chain. She called me top shot, so yeah, I keep a few tings. Champion sound, yeah, I got a few rings. And I'm all the way up. And you can stay up. Nothing can stop me. And if you ask anybody where I live, they point to the hills and say, go all the way up. Big up Tijo Sound, big bad DJ. Nothing can stop me, I'm all the way. What you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way up. All the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. shorty like the way that I ball out. I be getting money, time fall out. We talking cash, dog, I goes all out. Shorty love the way. Generation 97. Let all of my dogs out. Mama send no pussy cats inside my dog house. That's what got my daddy locked up in the dog pound. Free fan on them, let all of my dogs out. We gon' pull up in that like we cops on them. With them 16s, we gon' put some shots on them. I send a little dot, I send a drop on them. She gon' call me up and I'ma sip the hot on them. Grammy Savage, that's what we are. Grammy shooters dressing G-Star, G-Star. Stand up in the motor, bust the dashboard. Stand up in the motor, bust the dashboard. Candles burning, money burning, graveyard these niggas. Found them parking, big dog barking, hey. Blood tears on me, whoa, whoa, whoa. Child, they want that wave, whoa, whoa, whoa. I'm tripping Cartier, whoa, whoa. Put a gold bird on you, that's what's happening. I put that lingo on her, she was Spanish. I feel the one leader off his Venice. It's continental and it's panoramic. It's complimentary to the savages. Fuck around with me, it'd be a tragedy. I'm a ring, ring, ring. Wind up me, baby, man, then we're out. Live as them work on loud, man. Tsunami. Oh, my dear. Moi c'est un artiste, moi qui parle en voler rime. Maintenant, quoi qu'un animal pour c'est élu, c'est élu, c'est élu. Non, madame, non. Big up, Big Bad DJ. Big Bad Mind. Big Bad Mind. Yo. Boom. Hey. Get the youth, my logic, your piece, no much, yo, for my chance, so madame, madame. But you more love, not to hide, not to mask him, killer, none of them. Yeah, yeah, keep up with you. Father God, save the moon. He can't be nick and of a dem, a dem, a dem. Come here, fake little movie, the whole of dem, dem. Just family, me say, fi don't just friend. Priye bon, j'aime tout, you trop bad mind them. Se calings to enemy, man, get to ex-gal them. Mais moi, capas, déjà dit, moi, y'a tout, qu'elle ouait tout d'elle, faut pas. Bye-bye, yo, chance, man, dit, ouait tout fait bless, man. A real general, pas qu'à mon lit, d'ouvant, yo, que c'est pris. Kayana, man, les savri, connaît. Ton enfant qui me fait pas. Pas la tête, tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. Pour te rendre accro, la première dose est gratuite. La première dose est gratuite. Échange de 06 direct au calme, que de l'oreille. Bad bye n'est pas poteau avec la piste de danse. J'te paye tout le bar si ça te plaît. Si j'pouvais, j'ferais le DJ rouge. Ces putains sont à outrance. Tellement je plane, je vole, tellement je vole, je plane, putain. Plus rien n'a aucun sens, mais c'est vrai. La fin de la chanson, tu la connais, yeah. J'suis dans la ligne de mes réseaux, regard m'assassine. Mes yeux commencent à briller. Si elle fait le premier pas, elle me prend pour sa cible. J'vais pas me faire briller. J'suis dopé, alcoolisé, mais je perds pas la tête. Tout ce qu'on va faire kiffer. Pour te rendre accro, la première danse est gratuite. Relax, I wanna give you some good, good fuck. Lights, the music turned up. Pack me things, you a church mugger. Feel life if you turn your new door. Well, let me give you some nice, nice wine. Call me Earl, I'm not alkaline. If that pussy a good one more time. One more time, one more time, time, time, time. Why every time when you think give me the pussy, give me the pussy, me a feel fight, yeah. Why every time when me tell yourself you take your jaws off, we a feel a feel lighter. Why every time before we do it, me a feel remind you why me like, yeah. Now you're different, I'm a older wife, yeah. Move you wanna make me slide inside, yeah. Give me some good, good fuck. Lights, the music turned up. Back with things you want church, me I got. Feel like you put on your name tag. But they give you some nice, nice mic. I'm chillin' in the phone. If the pussy is in the phone. Hey, I'm a child, give it a bit of a bar. Cause what's my bien, I'll let you leave your vérité, wow. Y'all don't care, I love AI. Ou bah qui qu'est en moi, elle veut mettre sentiment en otage. jalousé en belle jeune femme. J'ai pas ouvré tes selles, pas qu'il fait tout pour ses temps. En fois c'est là qui était derrière. Génération 97, le soir. Le soir. La première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. Tout à l'heure, on va se faire une petite session Kalash Frimi. On sera une petite session également Tarus Riley. Je vous rappelle évidemment que Cécile est notre invitée demain soir également dans Génération 97 Live. 0820 203 200 pour faire partie des gens qui seront avec nous dans le studio. Ceux qui rencontreront au plus près l'artiste la plus sympa de toute la Jamaïque, je trouve. Ceux qui auront le droit peut-être de la toucher. Peu de chance que Hugo le laisse faire. Hugo ne peut pas faire toute la largeur de ce à quoi je pense. Hugo, il est taillé comme une banette. C'est quoi une banette? Tu vois pas ce que c'est qu'une banette? Une banette, frère! Une banette, je sais pas non plus ce que c'est, mais je fais comme. Ok. Mais oui, mais les gars, les banettes, c'est comme les baguettes, mais c'est les c'est chez. Tu sais, les c'est. Ah, oh, c'est tout fin avec un petit bout pointu. Oh, bah, Gaïa, vous nous. Ah, ok. Mais c'est lui qui fait la sécurité demain, Hugo. C'est lui qui va protéger Cécile au péril de sa vie. J'aurai mon taser. T'auras... Ah! Une banette avec un taser, les gars. Bref, on a du calcul challenge qui débarque dans la radio. Ouais. Il faut évidemment calculer en rythme. Les calculs n'ont rien de difficile. Si tu réussis un 9 sans faute à la suite, tu es ex-aequo avec le champion actuel, c'est-à-dire Rémi. Si tu fais 10, tu le bats et tu prends sa place. Si tu perds face à lui, chaque soir, il gagne un nouveau cadeau, ça nous arrange pas. Ok ? Rémi, es-tu là ? Oui. Rémi, est-ce barré ? D'accord, ok. Ouais. François, c'est économie. François est à Cayenne, tu coupes ta radio, François. C'est ton tour. Un parcours de 9 bonnes réponses sans faute, minimum, pour être ex-aequo. Et si tu fais 10, tu pulvérises le record actuel. On est prêt, François ? Qui c'est qui fait les additions pour lui et les soustractions? Vas-y, j'y vais. C'est parti pour Hugo. 1, 2, 3, 4. On y va, c'est parti. Première addition. Concentre-toi, François. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 4. 12. 12 moins 9. 3. 3 plus 9. 11. 12 moins 12. 0. Mais il avait déjà perdu à 3 moins 9. Hein. Alors, 3 attends. Plus 9, il a dit 11, c'était 12. Alors moi je comprends pas ces juges et ces arbitres de la fédération. Le mec avait déjà perdu et puis on va continuer pour le sport, ouais. Quoi. Ouais. Tu as déjà vu ça? Au cas fossé, c'est à vous à Timoun, hein. Ben ouais, et puis alors surtout en fait... Déjà fait bon, en nous, c'est vous qui avez pas fait bien traduit, hein. Attends, excuse-moi, si tu as une réclamation, tu peux nous envoyer un courrier, s'il te plaît? En 4 exemplaires. En 4 exemplaires, ok. Non, mais mec, à un moment, on se réfère à toi. Tu as bien conscience que nous, on n'a pas les résultats. Mais je peux pas tout faire, les gars. Mais hey, c'est ton job, mec. Eh ben, mon job. Vous pouvez réfléchir aussi. J'ai demandé aussi, qui fait le calcul challenge. Ou dis-moi, en café. Tu as fait. Et je prends la responsabilité de compter combien de bonnes réponses. Et donc, tu as pas compté. Mais si, j'ai compté. Combien? Il a fait 5, il est allé sur la 6ème, mais tu l'as freiné à la 5ème. Mais oui, alors que le mec s'est trompé à la 3ème. Non. Franchement, honnêtement, non, les gars, non, dans un cas dire. Comme ça, on appelle ça un faux départ. Je suis désolé. Il y a un moment, il faut juste qu'on soit. Il faut qu'on soit irréprochable, les gars. On est en train de lancer la fédération fédérale. Exactement de quoi tu parles? Du monde. Voilà. La fédération fédérale du monde, du championnat du monde, International World Cup. Le FMM Chicap coup de poulet. Ouais, du calcul challenge. Et en même temps, le problème c'est que si on refait avec François, eh ben Rémi il va nous faire une réclamation. Ouais. En 4 exemplaires, hein Rémi, s'il te plaît. Hein, 4 exemplaires. Hein. Mais de toute façon, François, il est mal placé pour faire une réclamation qu'il est même pas arrivé à 8, quoi. Mais il est même pas arrivé à 8. Ouais. Il a fait 5. Il en plus, c'était 6, pas du tac au tac. Donc ça veut dire qu'on rajoute. Je suis repêché. Tu es repêché? En quel honneur? C'est toi qui as décrété ça. Attends, tu as des cousines? Des cousines, des sœurs, des... Je suis le neveu de Madame Toubira. Hein. Oui, ah. mais en matière de sexitude. Ouais, parce que tu proposes madame de Taubira pour Yannick, c'est ça. Tu lui proposes. Tu vas pas aller loin avec ça. Bah, tu sais que blague à part, je vais vous dire un truc. Mais je pense que sincèrement, si un jour j'avais l'occasion de faire un dîner avec Christiane Taubira, de passer une petite soirée romantique avec Christiane Taubira, je pense que je passerai une très très bonne soirée. Parce que franchement, honnêtement, bah oui. Mais je sais pas si elle passera une bonne soirée. Elle. On n'en sait rien. C'est rien. Tu peux pas. De toute façon, toi, tu le sauras jamais. T'as pas d'élément de comparaison. Je suis désolé. Donc, en fait, moi, je me dis que un moment ou un autre, une femme peut être totalement désirable aussi parce qu'elle a un superbe cerveau. Moi, je suis désolé, Christiane Taubira. Waouh. Non, mais elle est pas vilaine non plus. Non, mais c'est pas ce que voilà, je dis. Mais j'ai lancé un débat là. Alors, tu me donnes le numéro de Tati. On te donne une deuxième chance au calcul challenge. Elle va porter plainte. Alors. Le numéro de Tati. On donne le numéro. Tu me donnes le numéro hors antenne. Hein, je te rassure, tout le monde l'aura. Hors antenne, bien sûr. Tu me donnes le numéro de Tati. J'ai pas envie que m'agresser ma tante qui m'a poursuivi en justice. Bien sûr. Maintenant, au-delà de ça, je pense que je vais tirer un peu sur la corde. Je vais te demander également de caler la date du dîner avec elle. C'est pas la peine d'acheter des préservatifs. On n'en aura pas besoin. Je te dis. Double sens. Il y a un double sens dans cette réponse. Scénario non, tu sais que blague à part, j'adorerais rencontrer ta tante en vrai. Je pense que c'est une femme super méga intéressante. Non, mais oui, c'est une femme super, franchement. Alors tu nous donnes le numéro de. Ouais. C'est une femme super et délicieuse. Ok. Alors... Et c'est ta tante. Inceste. C'est bizarre. Oh bro, calme-toi bro. Bon, tu nous donnes le numéro de téléphone de Tati hors antenne et on te redonne une chance. Rémi, ça te va comme Rex? Franchement Rémi, je peux pas dire non à ça. Si le mec il commence à avoir une valeur marchande, il négocie un peu avec la fédération, je ne fais rien de plus que le directeur de la FIFA ou encore Platini, tu vois, c'est j'accepte un pot de vin quoi. Tu comprends Rémi? Tu comprends? Ouais, non, mais voilà, ça se refuse pas. Le mec me donne le numéro de Christiane Taubira, je l'appelle, machin, etc. On lui donne un repêchage, obligé. Hein, Rémi? Ça marche. Ah putain, voilà un beau joueur. Rémi, voilà un beau joueur. À moins que Rémi ait éventuellement un numéro qui peut m'intéresser. Et à ce moment-là, on élimine François, et puis on s'en fout, je veux dire. Rémi réfléchit. On récupère le numéro de téléphone hors antenne, on vérifie si c'est le bon, et si c'est le bon, mec, on te donne un repêchage. Ok? Ne bouge pas, ne raccroche pas. 0820-203-200 également sur le net 3W-trace.fm. Le temps qu'on mette tout ça en place, on va faire un petit peu de... comment ça s'appelle hein? On va faire un top 5 des bourdes journalistiques qui ont lieu pendant le mois de septembre. Vous savez quoi? Effectivement, dans les journaux télévisés, dit télé, tu sais, où ils font un journal toutes les 5 minutes, eh ben ils se trompent. Mais nous, quand on a un ou deux rendez-vous journalistiques chez nous, aux Antilles-Guyane, et qu'il y a une grosse erreur, et qu'on est classé parmi les meilleurs conneries de tout ce mois de septembre en matière de journalisme, on va les découvrir dans un instant, restez avec nous. On les liste avec Lilou. À tout de suite. Le samedi 1er octobre, Orange et Air Caraïbes présentent Darius Riley live at la Casa. Après 6 ans d'absence, le boss du reggae revient à la Casa pour un concert live unique, accompagné du Black Soil Band et de la légende Dan Fraser. Darius Riley live at la Casa. C'est le samedi 1er octobre 20h avec Europe Car et Coca-Cola. After concert by La Casa Love Sound System. Billets en vente, allmall.com, Gen 7 Baster, Copacabana Mool, Sport Action Destryland. Trace FM. Trace FM, première musicale. Eh ben dis donc, on se fait plaisir là. Alors, toujours en vacances? C'est vrai qu'à ce prix-là, on s'y croirait. Chez Burger King, le menu Whopper Junior est à 4,20€. 4,20€? Voilà encore un peu de vacances pour ton porte-monnaie. Burger King, le goût est roi. Pour votre santé, bougez plus. World Creole Music Festival revient avec Trace et Guadeloupe Première. La culture caribéenne vous donne rendez-vous du 28 au 30 octobre pour la 19e édition du Festival de la Dominique avec Econ, Popcorn, Ophelia Chabanton, Morgan Heritage, Michael Anderson, Midnight Groovers, Crayola et le grand méchant Zouk. Au total, plus d'une vingtaine d'artistes. World Creole Music Festival. Du

là y'a iPhone 6. Je dis moi y'a pas la main que c'était femme Francis. Jean-Michel a qu'à problème, mais c'est d'autres fois dans la suite. Je dis moi que derrière ça, t'y m'en la n'y pas plus. Moi c'est là qu'à jouer la ce joli petit bébé y'a du caca dans la couche. Ça fait Wally maladie pour tremper bouche à bouche. LJGT ça vieux, et puis, et la jaboua, maria cérémonie. Quand fait la java, après qu'a fait l'homélie. Mio l'autre sous coup était à l'autre de Rémi. Tagada, hey, hey, tagada, oh, oh. Premier tagada, pas tagada. Mouga fait le buzz, elle est le net tagada. Oh, donnez-moi du thé avec deux tagada. Oh, il s'est en fille à maman, car je les gaza. La foutée pour sa maman, il mettait en dada. Il aimait Francis parce que Francis paye en dégâts. Ougeli, ça met chou, contre Baba. Entendu que T.A.S. aimait Sola. Entendu que Yoka, bayant Dola. Vidéo de femme, tout ou nuit et puis des gros là. Adjama si tête, zot moun ka fait la ola. Ça vieux, et puis, ménage à toi, mariage cérémonie. Moun ka fait la java, pète ka fait l'homélie. Mignon l'autre sous coup était à l'autre de Rémi. Tagada, hey, tagada, oh, oh. Premier tagada, pas tagada. Moun ka fait le buzz, elle est le net tagada. Oh, donnez-moi du thé avec deux tagada. C'est cool d'avoir un DJ hein, quand même hein. Vous trouvez pas ça sympa? Ouais c'est cool. Il peut rejouer le son qu'on adore 50 000 fois. Et surtout suivre vos réclamations hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 230 pour débarquer et faire débarquer vos sons en direct, que ce soit le buzz du moment, le son qui tourne le plus dans ton lecteur MP3 sur ton ordi, tu le réclames hashtag G97, hashtag TraceFM. Merci Tijo Sound. Ouais. Chez Génération 97, 0820 203 200, le soir, tu as la parole sur Trace FM. 100% radio libre. Précédemment, dans Génération 97. Nous avons également participé au calcul challenge. Rémi est pour l'instant le grand champion de cette catégorie chez nous. 9 bonnes réponses à la suite. On cherche des gens meilleurs que lui. Pour l'instant, il est indéboulonnable. On a François qui s'est un peu vautré sur son essai. Mais attention, François est arrivé avec une valeur marchande. Il est arrivé avec une négociation. Même s'il a perdu assez rapidement au niveau de la troisième ou quatrième bonne réponse, qui était en fait une mauvaise réponse. François nous propose le numéro de téléphone de Christiane Taubira, qui est sa tati. En échange de quoi on lui offre un repêchage. Le numéro a été enregistré. Sauf que je suis très surpris de découvrir, François, un numéro de téléphone fixe. François. Oui. Ça, c'est que tu es déjà sur écoute par rapport au Quai d'Orsay, là. Ouais. Il faut que tu coupes ta radio, mec, quand tu passes à l'antenne avec nous. Ok ? Coupe ta radio. Parce que tu vas entendre deux fois ton rire con et je sais pas si... Si tu pourrais résister. Ouais, je sais pas si tu vas survivre. Allô ? Voilà. Oui. Donc le numéro de téléphone que tu nous as donné, c'est le numéro de Tati. C'est ça, c'est Christiane Taubira qui est normalement au bout du fil. Moi, je suis un gars très respectueux. Je vais prendre pour acquis que c'est le bon numéro. Je ne comprends pas pourquoi tu me donnes pas le numéro de téléphone portable, par contre. Ah, moi-même, je l'ai pas. Donc tu as le numéro de fixe de chez Tati, mais tu as pas le numéro de portable de ta Tati Christiane Taubira. Elle est vraiment intelligente. Mais non, c'est pas possible d'avoir ton numéro vu qu'elle se déplace à chaque fois. Elle va au Gabon, elle va en France. Non, mais c'est pas possible d'avoir ton numéro. Alors, moi, j'ai une question, tant qu'on y est. Hein, on est dans enquête exclusive. Nous sommes avec le neveu de Christiane Taubira. Il réside du côté de Cayenne. Il a 23 ans et en échange de bons procédés, il est prêt à mettre aux enchères le numéro de téléphone de Christiane. Est-ce un bon neveu? Est-il légitime dans la famille? À vous d'en décider. 0820 203 200. Moi, ça me va, hein, le fait d'avoir le numéro de téléphone. Mais par contre, ton argumentaire tient pas du tout la route. À un moment ou à un autre, tu es en train de m'expliquer que tu me donnes le numéro de fixe de la femme, de la dame, pardon, parce que moi, je respecte beaucoup Christiane. Et que j'ai très envie de dîner avec elle. Donc tu en gros, tu me fais un truc du genre, ouais, je te donne le fixe parce qu'elle est tout le temps en déplacement. C'est quoi ton argument? C'est pas logique. C'est pas logique ton truc. C'est justement parce qu'elle est tout le temps en déplacement qu'il me faut son numéro de portable. Bah, on changera l'indicatif, t'inquiète. Quoi? Ouais, je sais pas quoi te dire. Coupe ta radio. Moi, je t'ai dit tout simplement. Je t'ai donné le numéro. Alors moi j'ai une question, mec. Quand on est le neveu de Christiane Taubira et que c'est une dame très occupée, tu sais qui répond difficilement déjà aux médias. La dernière fois que tu l'as appelé, c'était quand? Alors là, ça fait peut-être 5-6 mois. Hein. quand même. Et tu l'as appelé pour quelle raison? En fait, je roulais à scooter sur le Val Thorens de Cayenne, vers Trouviron, et j'avais pas mon casque. Et les gendarmes m'ont arrêté, donc j'ai arrêté. Je l'ai appelé pour que. Tu lui as demandé un passe, en fait. Voilà, je lui ai demandé une faveur. Là, là. Et elle t'a envoyé chier. Non, elle a dit elle s'en occupe. Elle sera la nécessaire. Je m'en fous, c'est pas grave, tout le monde utilise des passe-droits, c'est pas grave, je m'en fous. Je l'aime quand même, laissez-moi tranquille. Laissez-moi avec ma naïveté politique. Laissez-moi tranquille. Mais non, mais et tu es allé en prison tu... Je sais pas. Tu... Non. Comment ça, non, pas du tout. J'ai même pas reçu d'amende, rien. Ah, bon Dieu. Il y a des chances qu'après cette conversation, mec, elle t'appelle et que tu sois contacté. Alors, il y a un mec avec une grosse moustache, tu le verras pas tout de suite, hein, mais avec une grosse moustache qui va t'appeler au téléphone. Son prénom est bizarre, il s'appelle Edoui. Il s'appelle Edoui et son nom de famille c'est Plenel, ok? Et ce mec là il va t'appeler, il va faire Mediapart, bonjour, je cherche à rentrer en contact avec le neveu de Christiane Taubira. Est-ce qu'il serait possible de lui parler s'il vous plaît? C'est la part d'Edoui Plenel. Alors ce monsieur là, surtout, réponds-lui, il est super sympa, c'est un copain. D'accord. Ben, tu lui racontes l'histoire parce que ça va me faire délirer en fait. Il écrit une petite chronique en fait. Non, dans un... C'est une histoire vraie, hein, pourtant. Oui, c'est bien ça le problème. Ouais, on n'en doute pas, mec, que c'est vrai. On n'en doute pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Et tu peux rien faire pour Kalash là. Tu peux pas appeler ta tati. Bon, tu sais quoi? Je te donne le bénéfice du doute parce que de toute façon, hey, Rémi, on est d'accord, hein? Et franchement, honnêtement, ouais, on a passé un super moment avec lui, là. Quoi qu'il arrive. Alors, attends, ouais. Si tu peux pas me donner une chance pour le calcul challenge, est-ce que c'est possible d'avoir un ticket pour le film de YTB? Ouais, le film de Watibi, en fait, à Agora. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, en fait, c'est ça ta vie, en fait. Ta vie, c'est une négociation permanente, en fait. En permanence, en permanence, au cas j'y vais, passe droite, c'est mal. C'est ça, la vie à Agora. C'est ça ta vie, mon blédeux. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que, genre, tu te dis, bon, bah, après, moi, je me méfie, hein, parce que du coup, si Christiane tombe, je veux pas tomber avec elle. Hein. Je sais. Après, monsieur, grave. Bon, allez, tu sais quoi? Tu m'as fait beaucoup sourire avec ton histoire. Franchement, Rémi, on lui accorde une deuxième chance, ouais. Quoi. Ouais, franchement, Rémi, tu valides? Ouais, je valide, il est cool. Il est... Il est cool. Tu connais des gens, il est cool. Tu sais quoi, Rémi? Il est déjà en mode, maman, j'ai eu le buzz avant Mediapart. Non, t'inquiète pas, tu comprends peut-être pas tout ce qu'on est en train de se dire là, François. Tu comprendras peut-être dans quelques jours. C'est énorme ce qui vient de se passer. Ouais, je ne reviendrai pas sur l'histoire. Zot est là, Zot on, ok. Mais Zopat est là, topi bazot. Parce que franchement, non, moi je l'aime. D'ailleurs, je pense que s'il faut lui amener des fruits là où elle est, par rapport à ce que tu viens de dire, mec, je lui emmènerai personnellement, je te jure. Mais honnêtement, le numéro de téléphone, on va le tester demain. Je lui transmettrai mes amitiés pour toi. Ouais, non, mais je pense que vu... Je lui transmettrai mes amitiés pour toi. En fait, il y a un problème. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, François, tu n'as pas pris la route. Tu n'as pas brûlé un feu rouge, tu n'as pas renversé un gendarme ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Bon, ben voilà, il y a des chances que je l'ai avant toi, alors. Putain, tout peut arriver dans cette émission. C'est un truc de dingue. François, franchement, merci. Non, big up. Tu sais quoi d'ailleurs? On va dire Rémi qu'il t'a battu, hein, même sans faire. Rémi, on lui accorde ou pas? Est-ce que tu as conscience du malaise dans lequel je me sens par rapport à cette situation? Tu as ta conscience ou pas, Rémi? Tu sens le truc ou pas? Tu sais que le truc est chaud là, le bête est chaud, mec. T'es pas en train d'enregistrer cette conversation, mec. C'est... Non. Le mec, ça y est, il est rentré dans les sphères politiques, il se méfie de tout le monde. T'es pas en train d'enregistrer, mec. Non. Non, mec, excuse-moi, là, je fais plus confiance à personne, là. J'ai le numéro de téléphone de perso, là, de Christiane Taubira, là. On vient d'avoir une révélation avant même Mediapart, là. C'est super chaud, là, ce qui se passe. Je pense que c'est trop lourd à porter sur mes épaules, les gars. on va dire que je suis plus le responsable de cette émission, hein. Qui veut prendre la responsabilité de Keshi, le standardiste. Tu veux pas être le boss de l'émission? Ah non. D'accord, Sabri. J'ai toujours rêvé de ce poste, mais ce soir, je sais pas. Il me semble que c'est pas le bon soir. Regarde, je pose la question à Hugo. Hugo, tu peux pas devenir le responsable de cette émission? Bien sûr que oui. It's no good. Je veux être calife à la place du calife. Non mais, et putain, c'est énorme, frère. Bon, François, on va pas insister trop sur l'histoire, ok? On aura peut-être participé à la prochaine une du Paris Match indirectement. Ou peut-être elle va t'inviter un jour à Montigny chez elle. On va dire que tu as fait 12 bonnes réponses, mec. Incroyable. C'est incroyable. Ça vient de se passer là. Wow. Vous avez raté ça, c'est exceptionnel. Je suis époustouflé. Toi aussi tu t'es étouffé. Je suis en train de m'étouffer, mec. C'est tout ça pour dire que, franchement, de la part de Rémi, c'est non sans une certaine émotion que nous te célébrons ce soir. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Bravo à toi, bravo. Bravo, bravo. Merci. Nous t'applaudons. Merci. Ouais, nous t'applaudissons. Merci. Bisous de moi, bisous de vous, bisous de tout le monde. Pas de problème. Et surtout, bisous à Tati Cricri. Merci hein, de t'avoir évité la prison. Merci. J'adore cette émission, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, le mec qui nous raconte. Mais oui, j'avais un problème de casque sur mon scooter, j'ai appelé Tati qui garde des sorts. Oh, c'est bon, j'ai toujours pas reçu la contravention. Putain, le truc improbable qui aurait jamais dû se passer. Bref, merci François, tu es le grand gagnant. Rémi, un petit mot pour ce nouveau champion. Bah bravo à lui hein. Et à la prochaine fois, je vais aussi mettre ton casque. Quelle belle victoire hein. Je suis en train de m'étouffer. Maman. Je suis en train de m'étouffer. Merci Rémi. Merci oui. Pour tout. Le numéro de téléphone que tu m'as donné de Christiane Taubira, Tatati, François. Oui. On va essayer demain de l'appeler pour Kalash. Comment? Et c'est lui qui va me dire non, on déconne pas quand même. Je n'ai pas compris. On va appeler Tatati Christiane Taubira demain sur le numéro, on va essayer. Voilà, okay, demain, puisque à cette heure-là, je pense qu'elle est au Lion d'Or. Ouais, je respecte. N'oublie pas que j'ai un objectif, hein, c'est de dîner avec elle. Bon, ça se fera peut-être en prison maintenant, mais. Ou un scandale, je ne sais pas. On lui passera Kalash demain. Ok? Est-ce que je vous dérange? Ouais. Non, c'est bon, non. C'est marrant, personne ne parle à ce moment-là. Okay. Tu sais, c'est genre celui qui parle, c'est pour lui la phrase. Bon, Rémi, bouge pas, on va te mettre une petite conso de côté. Et merci à François, merci beaucoup, mec. Ok, bye bye. Ok. Ciao. On va s'écouter Hiro avec Aveugle. On revient dans un instant avec le top 5 des bourdes journalistiques du mois de septembre. En gros, il y a des mecs qui ont annoncé de la merde à la télévision, parfois parce qu'ils connaissent pas l'endroit, parfois parce qu'ils se trompent. Et vous savez quoi? La Guadeloupe est classée parmi les plus grosses bourdes de ce mois de septembre. Bien que je crois que la Guyane vient de rentrer quand même. La Guyane vient de rentrer dans le top 5. On va vérifier, on fait ça juste après ça. Écoute, encore une découverte trace. Le hit de Hiro, Aveuglé. C'est le boss Trace FM de la semaine. Okay. sais que mon cœur est occupé, donc il rejette tous tes appels. Toi mon interdit, tu m'attires. Tu sais très bien ma awa, t'es ma faiblesse. Que chaque jour et nuit, oui mon bébé, tu m'obsèdes. Qu'elle est, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi goûter à tes charmes. Mon fruit défendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Qu'elle est doucement, doucement, doucement, t'arrives à tes fins. Chaque soir tu me hantes par tes caresses. FM. Merci d'être avec nous, Mada Guadayana. Dans un petit instant, il y a la hotline des cocotteurs. Zizi 973, c'est le petit cochon du jour. On appellera d'ailleurs, pardon. On débarquera en mode sexe confessionnal. On parlera de sexe ce soir et on parlera de quoi? On parlera des bienfaits du sexe. Les bienfaits du sexe. Exact. Tu vas nous sortir toutes les enquêtes là en nous disant oui, boire du sperme une fois par jour permet. Non. Tu fais ça? Sexe. Non. Non, par contre, j'ai appris que toutes ces enquêtes qui traînent sur le web, en fait, sont complètement erronées et qu'on c'est donne ça. Souvent des noms de docteurs qui n'existent pas, de scientifiques exact. Qui n'existent pas. Et en fait, je pense à une grande machination du genre masculin pour essayer de couillonner les meufs. Possible, hein, honnêtement possible. Non, moi, je vais parler des bienfaits que j'ai constatés. Faut que j'arrête d'en mettre sur ma peau, alors. Sur ma peau, il t'a bien eu. Non, mais ça marche sur toi, Nessie. T'as une très belle peau. Bref, on en parlera dans un instant. On couchera les Chinchans 0820 203 200. D'ici là, on a du top 5 qui débarque dans la radio. On a cherché les 5 plus grosses conneries annoncées dans l'info. Et vous savez quoi? On a cherché sur tout le territoire francophone. C'est-à-dire que ça concerne aussi la métropole, iTélé, BFM TV, machin, etc. Mais vous serez très surpris de constater que la Guadeloupe est classée dans ce top 5 ce soir. Et pas que la Guadeloupe. On commence par le numéro 5. Donc le numéro 5, c'est... Il faut imaginer le truc, hein. Numéro 5, il y a un journaliste qui c'est dit... C'est le moins un... pire. C'est le moins pire, hein. Il y a un journaliste, un jour, qui dit... Qui relaye l'information concernant la mort de Jacques Chirac, annoncée sur les réseaux sociaux par l'ancienne ministre Christine Boutin. Alors, il y a au moins 5 journalistes de 5 journaux qui ont dit que... Qui ont repris l'info, en fait. Qui ont repris l'information sur Twitter. En état de l'émotion des rédactions qui se préparaient aux hommages de circonstances. Alors moi j'ai une théorie par contre, hein, sur les gens un peu comme ça qui ont un peu compté à un moment ou à un autre dans l'histoire de la planète. J'ai encore l'émotion, pardon. Oh. Dans l'histoire de la planète, je pense qu'il y a toujours une nécrologie qui est prête en fait. La nécrologie, c'est quand t'écris l'histoire de la personne en fait alors qu'elle vient de mourir. Parce que c'est pas possible, ils réagissent trop vite. Michael Jackson, Prince, tu vois, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, les trucs sortent trop vite. Je crois pas que les gens soient capables d'écrire une nécrologie aussi rapidement. Non. Donc, je pense que dans chaque journal, il y a quelqu'un qui écrit avant sur la mort. Oui. à l'avant sur la mort d'une personne. Et donc le mec il est tellement dans les starting blocks en se disant putain c'est le travail de ma vie, machin, etc. Il entend un truc traîner, une rumeur, et il balance. Ouais, je pense que c'est ça qui se passe. Dans ces cas-là, le mec il est super content, il peut le faire deux fois. Il a morti deux fois son article. La fausse annonce. Et enfin, quand le mec lit sa propre nécrologie et qu'il meurt derrière. Bref, quoi d'autre comme connerie? Classé numéro 4. Donc en numéro 4, on a les Emmy Awards qui ont fait une petite boulette sur Twitter toujours, en légendant la photo de la star de Empire qui est Terrence Howard, avec le nom de l'acteur Cuba Gooding Jr. Ah ouais, Cuba Gooding Jr. Ouais, ah c'est Gooding pas du tout Jr. le même acteur. Ouais. C'est clair. Qui est de la série American Crime Story. Ok. Qui a joué dans plein de films. Hein, ouais. Qui a joué. Les années 90 dont on se rappelle plus. Ouais, mais il était bien. Ouais, il était bien. D'ailleurs, donc, il fait plus que des téléfilms boulette. Maintenant. C'est ça. Ouais. C'est peut-être pour ça. Le mec, en fait, est fan. Le journaliste est fan. Il a voulu le remettre sur le devant de la scène. Classé numéro 3 des bourses journalistiques. Attention, ça se rapproche de nous, les gars. Donc, sans vraiment bien le vouloir, Fabien Barthez a piégé dans son quotidien le politicien du Parti Républicain de droite, Laurent Wauquiez, à 160 km/h, alors que l'élu se disait... irréprochable, etc. Respecter les lois. Et je cite, les élus ne peuvent pas demander des efforts aux autres si nous ne nous les appliquons pas à nous-mêmes. Et le mec a été chopé par... 160 km/h. D'accord, ok. Classé numéro 2. Numéro 2, France Antilles ne trouve pas mieux qu'une photo de Gifta pour illustrer le procès de Kalash. Alors on sait que les mecs sont potes, on sait qu'ils ont tous les deux des locks, on sait qu'ils ont tous les deux des tatouages, mais quand même, on a envoyé une photo de paille en guise de photo d'Admiralty, si vous en avez besoin pour un prochain article. Et dans le top des tops, Guadeloupe Première nous ressort une vieille photo du phare du Vieux-Port, vieille de vieux fort, vieux fort, le, vieux le phare fort, de vieux. Ouais, tiens, Le Vieux-Port. Tu viens de rentrer dans le top. Alors quoi, Marseille a dépassé, a déménagé à Pointe-à-Pitre, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, tout à fait. Ils ont pris une vieille photo du phare pour illustrer le passage de la tempête Mathieu en disant voilà, c'est la catastrophe, alors qu'en fait, pas du tout. Alors pourquoi pas du tout? Parce que c'est une très ancienne photo, si j'ai bien compris en fait. C'est ça. C'est une photo qui n'est pas du tout d'actu. Ouais, non. Qui a été prise pendant une autre tempête. Exact. T'imagines quand même? Ils avaient rien à dire, fallait qu'ils disent quelque chose. Ouais, mais ils voulaient illustrer le truc, mais voilà. À la limite. C'était une belle photo. À la limite, voilà. Tu marques sur la photo à image d'archive. Tu vois, où ou tu. Photo dans le contracteur. Alors, par contre, moi, ma question, c'est. Alors, ce n'est pas été annoncé encore, c'est vrai, par aucun journal, mais ce qui s'est passé quand même il y a 15 minutes dans Génération 9-7, ouais. C'est un hors catégorie. Je pense que ça peut rentrer dans le classement du top 5. Avant Mediapart, nous avons peut-être constaté, de la part de Christiane Taubira, un passe-droit. Les rédactions qui nous écoutent. La source serait son neveu, François. On dit ça, on dit rien. Voilà, c'est fini. Les faits se seraient déroulés à Cayenne. Une histoire de moto et de pas de casque, ce jour-là. Il y a 6 mois. La phrase Dixit aurait été « je m'en occupe ». Et depuis, aucune contravention n'est arrivée chez le gars. 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm. On revient avec du cocotteur et du sexe confessionnal dans un instant, les traceurs. Mercury Beach Hit 2016. Here we go again. La compilation des plus gros hits de la Caraïbe. Fayaz. Angela Hunt. Psyche. Chico. Michel Montano. Bungie Carly. Mercury Beach Hit 2016. Disponible en digital partout. Avec Caribbean, Rockers Island et Trace. Trace FM. Trace FM, première L'amour, le désir, ça ne fait pas tout. Nous deux, au 97-300, nos experts te diront si vous êtes vraiment compatibles. Nous deux, NOUS 2, au 97-300, passerez-vous l'épreuve du quotidien? Une vie de bonheur à deux, un instant de douceur et un adieu? Nous deux, au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS DGP. www.trace.fm. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible au gémissement. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Moi, j'adore. Et toi, Gimassas ? Et toi, Gimassas ?

Je me retrouve seul, donc j'aurais voulu des temps enfants, une main baladeuse se promener sur mon corps, voilà quoi. Ah, mais tu as trouvé la bonne personne, c'est moi. Quand est-ce que tu voudrais? Oui, mais là, maintenant, tu es où? Tu es à Cayenne? Ouais, là je suis à Cayenne. Alors, tu es où à Cayenne? Je suis près de la cathédrale de Cayenne, je sais pas si tu vois. Tu es en face de la cathédrale? Et toi, tu es où? Est-ce que je peux compter sur toi? Bien sûr. Bon, d'accord. Attends, donne-moi 15 minutes, je vais te chercher. Est-ce que tu es en voiture? Oui, je suis en voiture. Mais la voiture, je ne suis pas seule. Tu es où exactement par la cathédrale? Dis-moi. Mais je suis en face de la cathédrale, je suis avec ma tati. On est en train de vendre des gâteaux coco. Bon, d'accord, ok. Il y a du one-man, quoi. Il y a une fête, quoi. Il y a rien. Ouais, c'est la fête de la moule. Ok. Tati est partie, donc si tu veux, on pourra faire ça sous la table. Avec ma nouvelle couleur, ça sera blanc, noir, bleu. Je suis habillée en rouge. En rouge. Ouais. Ok, bon, ouais, d'accord. À tout à l'heure. Alors, j'arrive. À tout à l'heure. Trace FM. Génération 97. Le soir, il n'y a pas de limite. Ses outils. Oli. Angelo la débrouille. Oli. Va dormir. Oui, oui. Les petits ne sont pas conviés. Les petits ne sont pas conviés à cette conversation. Trace adulte only. On parle ce soir des bienfaits du sexe. Exact. Mais on parle aussi des enquêtes à la con que vous avez gobées jusque là. Hein. Ouais, entre autres choses que vous avez avalées. Moi, ça m'a fait un choc de découvrir que cette enquête là à propos du fait d'ingérer du sperme, ça a dû convaincre des quantité de nanas. Ils vendaient le sperme comme le fait que ça pouvait les faire maigrir, comme le fait que c'était un puissant antiride. Ça peut pas faire maigrir. Il y a trop de protéines. Je suis désolé, dedans. Il y a des c'est des protéines actives. Il y a des articles qui en parlent, des articles qui ont circulé sur internet. Ouais, mais si c'est de fausse nutrition, c'est une grosse arnaque. Tu voyais tout le monde qui la partageait cette enquête. Tout le monde, enfin tout le monde, en bafouille parce qu'en même temps, ça fait bien du bien à personne quand t'as tes parents en amis. Mais je pense que c'est bon pour la peau. Tu vois, il y a encore des trucs qui subsistent. Parce que tu vois, j'achète les crèmes avec de la bave de serpent, de la bave d'escargot. De c'est les baves. Et tu achètes ça chez qui? Chez une sorcière? Non, mais c'est reconnu, il y a des propriétés. Avec de la graisse de baleine, non? Tu t'es déjà mis de la graisse de baleine, il y en a dans ton gloss. Tu racontes des conneries, il y en a dans ton oui, gloss. Mais sur mon visage, je mets pas ça. Tes lèvres ne font pas partie de ton visage, excuse-moi. On te parle de crème antiride et de choses. Non, tu parles de crème antiride, il y a d'autres choses que tu mets. Il y a plein de produits cosmétiques. Plein de produits qui sont à base d'origine animale. Ou de placenta. Oui. Utiliser le placenta féminin. Après, juste pour information, l'histoire du sperme qui est bon pour le visage, là, pour la peau du visage, t'as pris ça sur Vincent McDoom quand même. Il y a plein de gens qui disent ça. Si ça se trouve, en fait, il y a peut-être une étape de la recette que tu as ratée. Parce que si c'est Vincent McDoom, il y a peut-être un délai. Arrête. Oh, il faut soigner le mal par le mal. Oh, frisson. C'est une bonne texture. Frisson. Ça te fait vraiment du bien à la peau. Je pense, oui. En même temps, je n'ai pas fait tout ça toute ma vie. Hein. Mais je l'ai fait de temps en temps quand même. Tu sais, dans des moments comme ça, je pense toujours à ta maman. Que je suis avec une personne fiable, oui. Quel âge a ta maman? T'es sérieuse? Ma maman a plus de 50 ans. Tu vois, bon, ben, les rides apparaissent. Tu lui donnerais un conseil ou pas? Non. C'est que 10 plus, toi. Sérieusement, avec ton doudou, tu fais ça régulièrement? Oui, non, c'est bon, on a compris. Tu n'es pas obligé de rentrer les pieds dans le plat. Oh, y en a. Faut bien faire quelque chose avec. Tu fais des petits stocks ou pas? Non. Tu sais, genre, tu mets dans une timbale en te disant non, je mets ça au frais. Ça doit être hautement périssable. Ouais, et puis instantané, tu sais, genre. Avec l'odeur et tout. Chérie, je vais au boulot, t'as 2 secondes pour te branler, s'il te plaît. J'ai des poches sous les yeux. Bonsoir, les amis, vous avez passé une bonne journée? C'est pour ça qu'elle fait la bise à personne. Merci, Nessie. Heureusement. Quoi d'autre? Alors, c'est des infos ou c'est des intox que tu Moi, vas nous donner? Moi, c'est ce que j'ai constaté. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a qu'elle dans l'enquête, hein? Et différentes autres personnes. Elle a demandé autour d'elle, quoi. Mais à un moment ou à un autre, ne prenez pas ça pour du pain béni. Okay? Non, j'ai pas demandé, j'ai constaté. Non. J'ai constaté qu'en général, monsieur dormait mieux après. Ah, oui, d'accord, ok, oui. Oui. Bah oui. C'est vrai. Mais ça, c'est vraiment scientifiquement prouvé parce qu'en fait, visiblement, après l'orgasme, l'homme sécrète de l'endorphine. Ouais, non, je sais pas si c'est l'endorphine. La femme aussi, c'est la pression sanguine en fait qui diminue tellement. L'endorphine, c'est plaisir. Donc le problème en fait, c'est, je crois que c'est l'andro. Ça s'appelle andro. Endorphine, ça fait forcément endormir, c'est logique. Non, l'endorphine. Tu t'endors finement après l'endorphine. En fait, chez les hommes, la prise de sommeil quasi instantanée est due en fait à la pression sanguine. L'afflux sanguin qui est concentré du coup vers le pénis. Non, arrête. Se relâche d'un seul coup. Mais non. Tu sais, genre le sang se casse de son. Il n'y a plus assez pour, pour assurer les autres fonctions, tu sais. Ça équivaut à un gros effort physique, en fait. Le mec, il a joué, tu sais, il démonte. Ça équivaut à un trop de sang, trop de... Quoi d'autre? Bah, je trouve que... Je vais vous poser une question. Le matin, vous avez connu meilleur réveil qu'une fellation ou un cuni? Oui. Oui, une sodomie. Non. Je rappelle que Sabri ne parle qu'en son nom. Ah ouais. Et il a fait un peu de prison. Il te manque d'ailleurs. Tu lui écris de temps en temps parce que lui il est toujours pas sorti. Ben, les nuits où j'ai froid, ouais, je me rappelle. Ça me raconte 3 francs. Merde. Attends Dylan, attends. C'est marrant, tu nous as jamais dit qu'il s'appelait comme ça. Tu nous as dit qu'il s'appelait Laser ou... Ah. Il avait un nom de gang. Ah ouais, ça c'est le nom de gang. Mais après, quand t'es dans la cellule tout seul, bon, Frankie. Voilà. Vas-y, Frankie, c'est bon. Ah. Bref. Non, c'est vrai, moi, personnellement, le matin. Ça met de bonne humeur. Parce qu'on aime. Il y a le plaisir, mais c'est pas. Parce que ça. C'est un réveil assez agréable. Voilà, mais c'est plus agréable que la tonalité de ton réveil. Oui, c'est sûr, mais c'est pas moins désagréable ou plus désagréable qu'une nana qui te réveille en te disant il faut que tu te lèves doucement, tu vois par exemple. Ah. Ça n'a rien à voir, on n'est pas en train de parler. Sabrine n'est pas d'accord. On n'est pas en train de ce modèle-là. Oui, c'est. Oh, ton réveil a sonné. Deux années. Sans. Tu veux dire qu'encore aujourd'hui tu te fais réveiller par ta mère. Quoi d'autre? Ben moi je trouve que ça me déstresse et ça me détend quand je suis énervée. Ouais, quand on te réveille avec une fellation. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, réveille-toi. Tu dis pas bonjour. Je peux pas. Tu as bien dormi, chérie. Non, c'est vrai, ça déstresse. Ça détend. Oh, surtout les mâchoires, non. Et après, je trouve surtout que ça doit être fun en fait. Ça oui, peut ça, être ça. Fun. Alors, ça pour être fun, c'est fun. Ouais. Bah, par exemple, hier soir, quand j'étais bloquée, enfin quand j'ai dû retourner hier à la maison. Hier soir, quand tu t'es réveillée hier soir du matin. Non. En fait, elle est en train de parler pendant. Et ça va pas me plaire ce que tu vas dire. C'est quoi ton histoire là? Donc, c'était hier soir pendant l'émission quand on t'avait au téléphone. J'aime pas du tout l'histoire que tu te prépares à raconter. Arrête, je suis sûre que tu aurais adoré. Qu'est-ce que tu vas raconter dans la radio de la personne? Tu m'as fait un faux effet d'annonce, ça se trouve, ça va pas du tout me plaire. Ah, du tout pas, je dis juste que hier, quand vous m'avez contacté pour avoir un avis juridique par rapport à l'affaire de Kalash, j'ai été quelque peu, comment dire, dérangée par une certaine personne. Oh putain. Tu étais au barreau. Tu me fais rire alors que je trouve ça dégueulasse. C'est cool. Non. Attends, mais tu sais que c'est à cause de toi d'ailleurs. Pourquoi c'est à cause de toi? C'est de ta faute. Ça fait combien de temps? 3 semaines qu'on travaille ensemble. C'est à cause de toi. Émission. J'ai niqué alors que j'étais hors de l'émission. On avait prévu de niquer ensemble. J'ai dû appeler quelqu'un d'autre. Non, c'est à cause de toi parce que à une certaine émission, tu avais dit que tu aurais kiffé de faire l'amour à Moselle pendant que sa mère était au téléphone. À quelle Moselle là? La tienne. Meurthe et Moselle. À qui? La tienne. Tu me disais que tu nous disais à nous auditeurs et animateurs. J'ai jamais dit ça à l'antenne. Ça regarde ma vie privée ne regarde pas les gens. J'ai jamais dit ça à l'antenne. J'ai dit ça hors antenne dans le cadre d'un débrief avec mes potes. Ok, dans le. C'était à l'antenne. C'était à l'antenne. Maintenant, quand on recevait une jeune femme qui disait que son mec avait répondu au téléphone. Répondu au téléphone, pourquoi? Pendant qu'ils étaient en train de niquer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai dit effectivement que je trouve que c'est un fantasme assez sympa. Mais je l'ai déjà réalisé en fait. Eh ben, monsieur t'a pris au pied de la lettre, c'est-à-dire que pendant que tu m'appelais. Mais comment s'appelle monsieur, ce monsieur qui vit par procuration à travers mes fantasmes? Nous allons l'appeler K. Keshi? K, comme la lettre de l'alphabet. Ils sont arrivés tous les deux en retard en plus ce soir. Et hier soir ils étaient tous les deux pas là. Toi aussi tu n'étais pas là. Ouais mais je m'appelle pas K. Tu n'en sais rien. Quoi? C'est un surnom qu'elle t'a donné peut-être. Voilà. Kaka. J'ai décidé de nommer la personne K. Voilà. Okay. Et du coup, Cabri. Bah, le cas, ça peut être Cabri, ça peut être kilomètre aussi. La personne t'a pris au mot. Ah non, c'est une autre expression. Au pied de la lettre. Ouais, parce que si. Ouais, ok. Et du coup, elle a entrepris de me distraire. Mais cette personne, donc, nous écoute et elle prend tout. Bah alors attends. Je sais pas si elle écoute tout le temps, ça mais. Ça va être ta fête. Ça va être ta fête. Donc, monsieur K, si vous écoutez la radio ce soir, ok, monsieur K, il est très important que demain elle boite. Vous faites ce que vous voulez, mais il faut qu'elle boite. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire à Sabri? Aide-moi. Accrocher à une gouttière. Ça peut le faire. Donc demain. C'est bizarre. Vous avez jamais fait ça, les gars? Accrocher à une gouttière. Mais ceci dit, c'est vrai que c'était très excitant. T'as déjà fait l'amour accroché à une gouttière? Non, je parle de hier. Donc en fait, à quel moment précisément? En fait, on était en train de te poser des questions assez sérieuses, donc du coup, à quel moment précisément? Ben, quand Tika m'a commencé à m'appeler au standard et que j'ai été mise en attente, ça a commencé là. Donc hors antenne, en attendant de passer à l'antenne, alors que tu vas nous donner des trucs super sérieux sur l'avenir d'un mec qui va peut-être faire un an de prison, dont 6 mois avec sursis, à ce moment-là, t'étais en train de jouer. Non, on jouait avec moi. J'essayais de me défaire de la situation, mais bon, c'est pas facile. Alors, par contre, je savais que hier soir, Sabri a fait toute l'émission tout nu depuis son salon. Oui. C'est, j'ai déjà eu du mal avec ça, mais par contre, franchement, que tu te sois. Alors que nous, on était en stress dans un bunker en train de se dire, bon, alors la tempête passera, passera pas, machin, etc. On va avoir des dégâts. On était enfermés dans le studio. Mais il y a eu des dégâts. Et il y a des. Des dégâts des eaux. Il y a eu des dégâts ou il y a eu des dégâts? Les deux. Ah. Ils étaient plusieurs. Non. C'est pas ça qu'elle a dit. Mais c'est rien. En fait, c'est ta rubrique, en fait. C'est vraiment ta rubrique, quoi. Bref, passons. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que t'as constaté d'autre? Ben, c'est à peu près tout. Donc, en plus, je vais quitter cette émission. Le dernier souvenir que j'ai de cette émission, c'est toi en train de prendre ton pied au téléphone alors que je le sais pas. T'as kiffé en fait hier en train de faire la meuf super docte qui a effectivement vraiment fait des études de droit. Ça prouve mon professionnalisme. Ça comme prouve, quoi, en toutes circonstances, ça je suis opérationnelle. Ça prouve surtout ta capacité à simuler à Monsieur K. Ta capacité à gérer non, tes émotions. Non, ça prouve ma capacité de concentration et de professionnalisme. Ouais, on peut appeler ça comme ça, pas de problème. Monsieur K, la prochaine fois qu'elle jouit face à toi, film, on te dira si c'est un fake ou pas. On l'a tous les soirs en face de nous. Tu sauras jamais. Ouais. Ah, simulé ou pas, un orgasme reste un orgasme. Monsieur K, spécial dédicace pour toi, tu sauras jamais. Hashtag. Hashtag pauvre mec. Bonne soirée tout le monde, on se retrouve demain, même heure, même antenne, ici même sur Trace FM. Allez, ciao. Bye bye. Observe yo, an fè mwen pase pou ti nèg. Pwa te serni yo, an se volan son pirat. Yo pe pa berni mwen, yo pe pa serni mwen. Wè se mè se de tirat, kasou se zo an kon chien. Man ke pelte yo, an se volan son pirat. An se volan son pirat.